J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery. Alors, on n'a jamais été autant autour de la table pour vous parler de... Wolverine. Et non, mais non. François Fillon. Ah non, c'est... Tu lui as bouffé son effet. Bon, on parlait de... Wolverine. Voilà. Et les gens qui n'ont pas de casque n'ont pas entendu, c'est pas grave. Donc, nous sommes neuf autour de cette table. Donc, je vais commencer comme ça. Il y a la caution cinéma, le doc... La personne qui vient pour voir toutes les... Ah non, t'étais pas là, Lego Batman. Non, j'ai pas vu Lego Batman, mais c'est ça, c'est moi, le cinéma. Le cinéma, c'est moi. C'est Léopold, de la chaîne The Viewer. The Viewer. Salut à toi, ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, comme d'habitude. Et bah, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. À côté de toi, il y a Thibaut. Tu as une émission sur oui, Radio c'est Campus. Ça. La dernière piste. La dernière voilà, piste. C'est ça. Il merci. Est là parce qu'il est, c'est un des gagnants du oui, concours Lego. Oui, tout à Lego. Fait. Donc voilà, on merci l'a fait venir. Merci à toi et à toute l'équipe. Et ben merci, merci à toi d'avoir participé et de nous écouter tous les lundis, ça fait plaisir. À côté, il y a encore une autre caution cinéma, salut. C'est Marc. Ouais. Salut Marc. Ça va et toi? Ça va. T'es content d'être ici? Ben j'ai vu la lumière, écoute, je suis rentré. Ok, bon, c'est cool. Pendant qu'il est en train de dessiner ou d'écrire, je ne sais pas. J'écris, je sais pas dessiner. Et c'est Mathieu, salut Mathieu, salut. Ça va? Salut, salut à tous, du coup. Va falloir agrandir la table. Ouais, va falloir agrandir, ajouter quelques micros peut-être. À côté de toi, il y a comme d'habitude Juni. Salut Juni. Yo. Et on va enchaîner tout de suite. À chaque fois, j'adore tes bonjours. C'est tellement plein d'entrain et d'allégresse. Il y a Romain à côté de toi. Salut Romain. Yo. Voilà, qui fait la même chose. C'est Thomas à côté. Salut à tous. Et on finit par celle avec qui j'aurais dû commencer, parce que c'est la fille qui veut nous parler de non, Légion. Il faut arrêter secondes. Là avec c'est la fille, on se calme. La semaine dernière, en rentrant, je me suis engueulé parce que soi-disant on a été très sexiste, donc je m'excuse par ailleurs. Parfaitement. On ne dira plus que ce sont des comics pour filles ou ce genre de choses. Bah oui, on aime un comics parce qu'on aime l'histoire, on aime le dessin, point, c'est pas lié au sexe, merci. Voilà. Voilà. Et bonjour à tout le monde. Et cette semaine, comme vous l'aurez compris, on va vous parler de... Wolverine. Je sais pas si on va le faire toute l'émission, ça va être chiant en fait. Donc on va vous parler de Logan. Fay l'avait dit que ça allait être chiant. C'était ton idée, non? Oui, c'était mon idée. C'était une mauvaise idée. Je m'excuse auprès de Tom à la régie. Voilà. Donc on va vous parler de Logan. Mais avant de vous parler de Logan, bon, cette semaine pas de news parce que bon, on n'a pas le temps. Et avant de vous parler vraiment de Logan, petit programme. On commence par Légion. Donc je vais nous parler de Légion, la série de FX. Tout à fait. Donc qui est dans le même univers, donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Après on va vous parler de Logan pendant une petite demi-heure, de Wolverine et de Logan. Et on parle pas d'abord des comics, c'est... On va parler de Wolverine en comics, donc on va vous conseiller 2-3 titres à lire si vous voulez lire du Wolverine. Après on enchaîne sur le film avec une partie sans spoiler. Excusez-moi, je viens de recevoir un texto. Il est pas professionnel. C'est pas en fait, c'est le viewer qui m'a cité sur Facebook. Voilà. Donc j'étais en train de dire oui. Et après pour les gens qui nous écoutent en podcast, parce qu'on va pas spoiler pour les gens qui écoutent la radio. Imaginez, vous allumez sur l'autoroute la radio et d'un coup on vous balance des gros spoilers sur Logan. Ouais, ça peut causer un accident, ça. Oui, voilà, exactement. Et bon, enculé. Non, on va pas faire ça. Et on va faire une 30 minutes spéciale pour le podcast où on vous parlera de Logan, mais en spoilant comme il faut, exactement. Et on va pas parler de Batman cette semaine, pas de Warner Bros, mais rien. Ce sera la semaine prochaine. Si vous voulez qu'on vous parle de Batman, ce sera la semaine prochaine. Je suis en train de dire que tu vas faire un director's cut pour le podcast, c'est ça? Ouais, exactement. À la Warner. Ouais, voilà. Version longue. Mais je la fais pas payer, moi. Est-ce qu'il y aura du Joker dans cette version longue? Peut-être. Ça dépend, il faut voir, il y a des liens. Et bon, on va enchaîner, on va commencer direct par toi qui veut nous parler de Légion. Oui, tout à fait. J'ai un petit truc ou j'ai... Non, tu vas dire. Je pensais que j'avais un générique. C'est dégueulasse. On peut remettre un petit Wolverine, allez. Voilà. Donc, ben, je vais vous parler de Légion. Cette série donc diffusée sur FX depuis quelques semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, elle est faite par Noah Hawley, donc qui est le showrunner de la série Fargo sur Netflix, si des gens l'ont vu. Ouais, excellente. Voilà, j'en suis dit excellente, très bien. Et donc, comme James l'a dit, apparemment cette série serait liée au film donc, de l'univers X-Men. Et ce qui est très intéressant et qui est relié là à Logan, c'est que comme Logan, ça nous offre une toute autre vision de cet univers qui est assez intéressante et assez particulière. Donc pour commencer, sachez que la saison 1 contiendra donc 8 épisodes. Là on en est au 4, le 5 va être diffusé cette semaine, pour vous résumer à peu près où on en est. Donc dans la série on retrouve Dan Stevens qui a le rôle principal, que vous pourrez voir bientôt dans un film qui m'énerve rien que de prononcer le titre, La Belle et la Bête version film. Donc voilà, j'ai pleuré des larmes de sang, mais c'est pas grave. On retrouve aussi deux actrices qui étaient dans la série Fargo, Rachel Keller et Jean Smart, ou Smart, je crois que je pense. Et on trouve surtout la magnifique Aubrey Plaza, qui était dans cette série génialissime dont on vous parle tout le temps avec James. Parc et Récréation. Voilà, Parc et Récréation. Merci. La meilleure série du monde, le meilleur sitcom du monde. Avec Chris c'est Pratt. Oh, c'est bon, on se calme, on voilà. se calme. Un jour, on fera une émission spéciale sur Parc et Récréation, c'est pas du tout comics. Allez, c'est pas le moment. On parle de Légion. Oui. Donc, l'histoire de Légion, en gros, c'est le petit David Heller, bon, qui est quand même grand, qui est interné parce que, voyez-vous, quand il était jeune, on a découvert qu'il était schizophrène. Et en plus, il se droguait. Donc, voilà, il était très mal parti dans la vie. Et il s'est retrouvé donc chez les fous. Et un jour arrive une patiente. Et voilà, en discutant avec elle, l'alchimie se fait et tout ça. Et il comprend qu'en fait, il est peut-être pas si fou que ça et qu'il est peut-être autre chose. Oui, je garde un peu de mystère. C'est un mutant. Oh, tu viens de dire, merde. Attends, t'as pas dit qu'il était son père encore? Ouais, non, mais pour l'instant, c'est pas dit. C'est pas dit, on l'a pas vu, on l'a pas vu dans la série. Alors, ça va pas tarder. Cette série, déjà, je vous préviens, c'est une série qui va demander de l'investissement de votre part parce qu'elle est vraiment très très bizarre. On a l'impression qu'elle est écrite et filmée du point de vue d'un fou, c'est très psychédélique. On a beaucoup de choses un peu what the fuck. Comme par exemple dans le premier épisode, à un moment on a une scène où le gars il a une espèce de vision où il se voit danser sur du Gainsbourg. Enfin, ça c'est assez particulier. On a un côté un peu Inception avec justement rentrer dans la tête du personnage principal parce que le gars il va essayer de comprendre ses origines et pourquoi il est devenu comme ça et tout. Et donc c'est vraiment très particulier dans sa construction. Mais vraiment ça change beaucoup de ce qu'on voit au niveau des séries télé, par exemple de CW qui sont très classiques. Ou d'Agent of Shield par exemple. Et c'est vraiment chaque image, chaque chose que vous allez voir dans les visions du personnage principal, il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses à analyser. Et vraiment moi je suis assez hypnotisée par cette série. Après l'histoire en elle-même, alors là moi j'ai vu à peu près 3 épisodes, donc j'ai encore 2 épisodes à voir. Et je trouve que ça avance pas trop trop. Alors déjà je vous conseille de dépasser le pilote et de voir au moins 2 épisodes pour vous faire une idée à peu près de cet univers. Mais c'est vraiment, on sait que voilà, tout ce qu'on sait pour l'instant c'est que le héros, apparemment il est recherché par un groupe, qu'il y a un autre groupe qui l'a pris avec lui et qui lui apprend qu'il est un mutant et qui veulent l'aider à développer ses pouvoirs. C'est un peu tout ce qu'on sait, mais pourquoi, que veulent-ils, quel est le but, ça on sait pas. Après tout ce qu'on sait c'est qu'on plonge dans le cerveau de cet homme et on essaie de comprendre qui il est. Donc voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment tout simple, c'est pour ça que je dis que c'est le côté Inception. Après, le casting est assez bon, je veux dire, le héros principal, et des fois il va être tout calme, et puis d'un coup il va avoir une tête de taré, du coup on est toujours dans ce doute à savoir est-ce que c'est lui qui est fou, est-ce que ça se passe vraiment. Enfin, c'est vraiment super intéressant à regarder. Alors, je sais que si on s'arrête au premier coup d'œil, on peut dire c'est quoi cette merde, c'est bon, je zappe et tout, mais franchement, je pense que l'investissement vaut le coup, parce qu'il y a beaucoup d'imagerie intéressante. Ce héros, par exemple, il est hanté par un espèce de démon aux yeux jaune et je trouve que voilà la façon dont il est représenté et tout, il y a pas mal de scènes vachement angoissantes, un peu anxiogènes. Ouais, ouais. Mais rien que pour la réelle, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment. Voilà. Et puis Aubrey Plaza, pareil, elle des fois elle fout la pétoche. Ouais, elle est vraiment. On sait pas elle qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut. Et mais vraiment, moi je vous recommande de tester la série parce que déjà, comme je vous dis, ça change. Et puis je pense que c'est tellement particulier qu'il faut vous faire votre avis personnel. Même si vous lisez des critiques qui vont dire que c'est bien ou d'autres qui vont dire que c'est pas bien, faites-vous votre avis personnel parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui est philosophique même. Et moi j'aime bien les séries comme ça. Ce que t'as pas dit, c'est que c'est tiré d'un comics dont, oui, j'allais en dont parler. On a déjà parlé en podcast puisque c'est Mathieu qui nous en avait parlé. C'est tiré d'un qui s'appelle Légion aussi, je crois. Exactement. Ouais, c'est Simon Spurrier qui scénarise. C'est bien barré, c'est du X-Men indépendant, c'est vraiment vraiment cool. Et puis par contre, ce qui est bien aussi, c'est que si vous vous dites, je vais pas regarder parce que je connais pas les X-Men, et ben vous pouvez quand même, parce que finalement, même si c'est on retrouve les mutants et choses comme ça, on peut suivre le truc même sans avoir vraiment de gros il y a peu de lien avec les X-Men. D'autant plus que sans spoiler, c'est pas n'importe qui dans l'univers des X-Men. À mon avis, on va y arriver à un moment donné. Oui, c'est obligé. Qui est vraiment ce personnage. Mais moi, voilà, je vous recommande vraiment de tester et de mettre un commentaire, par exemple, de dire ah, j'ai testé, j'ai pensé ça, tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu penses, t'as une théorie sur tel perso et tout. On partagera ça ensemble parce que j'ai des théories, mais je ne veux pas spoiler, donc venez me voir, je suis là. On peut faire un petit tour de table, savoir qui l'a vu, je crois. On n'est pas beaucoup à l'avoir vu, mais qui est tenté par Thomas, tu voulais commencer? Bah, moi je trouve le concept plutôt sympa. Enfin, Faye, tu m'as plutôt pas mal donné envie d'aller le voir. Après, ça, j'aime bien ce côté psyché, comme t'as dit, ça me donne bien envie en fait. Tu m'as bien vendu le truc, tu sais quoi. Franchement, j'ai bien envie d'aller le voir maintenant. Après, reste à voir. Enfin, c'est pas un peu dérangeant de pas avoir les personnages X-Men. Enfin, une série sur X-Men sans X-Men, c'est. Et c'est pas sur les X-Men, c'est un autre. Enfin, disons que c'est pas dérangeant parce que les persos proposés sont intéressants, ils sont mystérieux. Donc t'as envie de savoir, t'as envie de revenir. Par contre, ce qui serait dommage, c'est que vraiment ils ont intérêt à soigner la fin de la saison, parce que si on se rend compte qu'on s'investit, qu'on s'est pris la tête et tout pour au final une grosse merde, là je vais pas être d'accord. Bah, je vais m'énerver un peu, quoi. Romain, je crois que t'en as vu un épisode? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas regardé parce que comme disait Thomas, il y avait pas les X-Men à la base, donc c'était pas une série qui m'attirait particulièrement. Mais vu comme fait la décrite, ça a l'air vraiment intéressant. De par son originalité, ça a éveillé ma curiosité, donc peut-être que j'y jetterai un petit coup d'œil. Okay. Johnny, je sais que tu l'as vu, toi. Un épisode et demi, et j'ai pas regardé parce que c'était X-Men, c'était juste parce que j'avais rien à faire ce jour-là en particulier. Et l'argument de c'est ça apporte le nom d'un truc que tu connais, ça me suffit pas en général. Et j'ai beaucoup aimé le premier épisode, en particulier justement le côté psychédélique du truc, le fait qu'ils ont vraiment pris en compte le type de mentalité du personnage principal, ils retranscrivent bien ça avec leur jeu de caméra. C'est à partir du deuxième que j'en ai eu un peu marre parce que ça devient inutilement compliqué, bizarre et... En fait ça devient un peu le genre de situation où tu as l'impression que c'est du jeu de caméra et des trucs bizarres pour faire des trucs bizarres. Et il n'y a pas tellement de développement de perso intéressant. C'est un peu comme te taper avec un bâton en te disant il y a un mystère qui arrive, mais il ne te donne pas d'informations intéressantes sur le développement du mystère en fait. Alors là, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on a eu un exemple comme ça avec la série Sherlock qui est devenue très compliquée au fur et à mesure dans sa réalisation. Et au final, le dénouement du fil rouge, c'était ce que je disais, un gros pétard mouillé. Et du coup, tu te rends compte qu'ils ont compliqué le truc inutilement. Et c'est ça que tu vois, j'ai un peu peur parce que voilà, ça me plaît les effets, enfin moi j'aime bien me prendre la tête sur des séries, mais j'ai peur d'être déçu à la fin parce qu'au final, pour un truc tout simple, tu vois. Mais moi j'en ai vu un épisode et deux épisodes, mais en dormant à moitié devant, où j'étais un peu crevé, et en fait j'ai un peu la même impression que Johnny. On sait pas où ils veulent en venir en fait, c'est ça le problème, et c'est ça qui m'a posé problème. Le souci principal que j'avais, c'est que justement j'ai vu un épisode et demi, c'est qu'au bout d'un moment, s'ils arrivaient à me maintenir en haleine en me disant de toute façon il y a de toute façon l'explication qui va arriver à un moment, le souci c'est est-ce que t'as envie de rester suffisamment de temps pour arriver jusqu'à cette partie-là de l'histoire, quoi. Effectivement. Mathieu, il y a quelqu'un qui voulait, donc je sais pas. Non. Oui, alors juste je voulais savoir si l'histoire en fin de compte était intéressante, parce que le fait qu'elle soit originale, le côté psychédélique, etc., ça peut être un point intéressant, mais si l'histoire n'accroche pas le téléspectateur. Moi perso, j'ai été accrochée parce que justement le fait que ce personnage il a un passé mystérieux et qu'il y ait des gens, un groupe bizarroïde qui essaye de la voir, j'ai envie de savoir pourquoi, enfin ça m'interpelle. D'accord. Et puis après, il y a le fait aussi que j'aime beaucoup l'univers des X-Men, des mutants en général. Donc ouais, j'ai envie de voir un peu comment ils vont développer le truc. D'accord. Et puis on se rend bien compte que c'est dans l'univers des mutants un peu, ou c'est tu vois quand même que c'est des, enfin ça peut être aussi des gens qui ont des pouvoirs, c'est pas vraiment spécifiquement dit mutants. Ouais, mais tu vois les moments où tu vois des gens avec des pouvoirs, c'est un peu cheap. Ah mince, ouais, d'accord. Ça dépend lesquels. Ouais, mais je suis assez d'accord avec Faye. C'est l'une des critiques que j'avais lu d'ailleurs sur par des forums, je sais plus lequel, et il disait tu pourrais changer le nom du show en fait. Oui, c'est la même chose. Et ce serait exactement pareil. Et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce que je suis quasiment sûr que j'ai déjà vu cette série. Tout le concept du gars qui se fait choper par un groupe de gens qu'il connaît pas trop et qui sont tous habillés plus ou moins hipster et qui vont dans une petite maison dans la forêt. Ouais, j'adore, ça m'a fait penser aux prisonniers, les décors justement très années 60 et tout, dans le groupe où il va, et la façon dont ils sont habillés et tout, j'ai direct pensé aux prisonniers. Il y a des références à ça. Ouais, je pense que c'est un hommage. En tout cas, je sais pas si c'est ça, mais j'ai eu une impression de déjà vu. Mais c'était l'impression de déjà vu de genre de la série que j'ai vu passer à la télé quand j'avais genre, je vais dire 15 ans, mais c'était un âge au pif. Et à l'époque déjà, j'avais pas particulièrement accroché sur le truc. Donc en fait, je dirais que la cinématographie est suffisamment intéressante pour regarder, ne serait-ce que pour le côté flashy du truc. Mais je sais pas s'il y a nécessairement beaucoup de matière réelle derrière. Mathieu. Oui, alors moi j'ai vu les 4 premiers, effectivement ça ronronne un peu, donc la surprise du premier épisode avec cette ambiance funky années 60-70, il y a quand même un beau travail de production derrière, c'est pour une série FX qui n'est pas un channel très riche, c'est quand même bien fait, la folie est bien rendue je trouve, il utilise tous les artifices visuels, du flashback, de la narration un peu décomplexée, un peu pas dans le bon ordre, du bullet time, du ralenti bien pour appuyer 2-3 effets, par contre effectivement ça ronronne un peu pour l'instant, alors l'un des avantages c'est que ça va être en 8 épisodes, ce qui est plutôt court et rapide, donc si peut-être que justement ça va s'accélérer. Après je crois que la série a commencé à être produite avant, entre guillemets, qu'elle soit rattachée au monde des X-Men cinématographiques, je crois que ça a été fait un peu après, parce qu'au cinéma ça se cassait un peu la mouille, ce qui peut un peu expliquer pourquoi c'est un peu le cul entre deux chaises, mais effectivement ouais, ça doit prononcer le mot mutant 2 fois, c'est tout. Par contre vous voyez, je me demande si la série elle aura une deuxième saison. Parce que c'est tellement particulier. T'as que... vu trop d'épisodes, hein. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est tellement particulier. Ah, que si ça marche, c'est ça le public ricain, ils sont assez bas du front des fois, donc voilà, j'ai un peu peur. Justement, c'est la question que j'avais envie un peu de poser à tous ceux qui ont vu les épisodes. Enfin, parce que bon, c'est sur 8 épisodes pour la saison 1, donc ça veut dire que si t'as vu les 4 premiers, t'as vu la moitié. Et moi, quand au départ j'ai entendu parler de ça, j'ai entendu parler d'une série X-Men, donc du coup je me dis, ah, chouette, c'est bien, mais voir les X-Men, mais en fait, finalement, non. Non, ça, mais t'en auras pas. Ouais, voilà, donc. Mais il va y avoir une série. Oui, il y aura après. Plus X-Men. Voilà. Mais bon, je me suis dit, bon, vu quand même de qui il parle, parce que c'est quand même un mutant très puissant, enfin, en devenir, en tout cas dans les comics, il l'est. Et vu ses origines, bon, c'est hyper intéressant. Après, le problème, c'est que là, du coup, je pose la question parce que j'ai vu que la bande-annonce, donc pas les épisodes. Mais je me demande, est-ce que le côté joué sur le côté psychédélique, le côté un peu schizophrène et tout, à vouloir trop le travailler, va pas nuire à la série et à ça? Parce qu'on parle, en tout cas pour tous ceux qui ont vu les épisodes, ce qui revient, c'est cet effet de lenteur qui coule au début dans le premier épisode. Mais après, plus ça va, plus apparemment ça semble rester, même si ça continue à se développer, mais ça semble rester avec un effet de lenteur et des problèmes. Et du coup, je me demande, est-ce que ça va pas. Aller à l'encontre de la série, ouais, desservir la série, ouais, ouais. Et la faire tomber, c'est ce que j'ai un peu peur aussi, enfin, je me pose la question, c'est ce qu'on disait avec Johnny justement, c'est est-ce qu'ils se compliquent pas trop la tâche pour finalement une histoire qui va être simple. C'est le problème, c'est comment ils ont pensé leur scénario, c'est ça en fait. Léopold qui a vu, je crois que j'ai vu le pilote. Bah j'ai vu, ouais c'est ça, j'ai vu le pilote, je viens appuyer les propos de Faï. Moi je trouve ça très très bon. C'est un peu Lynch visuellement, enfin même pas que visuellement d'ailleurs, hein, dans le storytelling. Ça fait un peu penser à Lynch et c'est très intéressant parce que ça change en fait de non seulement des séries super-héroïques à la cible de CW un peu concours, mais aussi des films de super-héros tout simplement. Il y a un vrai parti pris avec. Voilà, moi je trouve ça pas du tout décevant qu'on ait pas trop les X-Men tels qu'on les entend, avec Professeur Xavier dans sa petite maison, dans sa grande maison d'ailleurs, qui supervise les opérations, etc. Ça on l'a déjà vu au cinéma, on n'a pas besoin d'avoir une série en plus dessus. S'il y a une série qui apporte un autre parti pris plus intimiste mais à la fois un peu plus psychédélique, qui est plus libre de faire, parce que ça au cinéma ça passe pas à mon avis, les producteurs grincent un peu des dents pour le financer, mais en tout cas moi c'est la porte ouverte. J'ai vu que le premier épisode donc je sais pas si c'est plus mou après, mais moi je trouve ça que c'est un bon parti pris intéressant qui peut amener un peu de nouveauté et de rafraîchissement à l'univers super-héroïque. L'aspect nouveauté est important, c'est cool. Ouais. Oui, moi je suis du coup, que ça soit pas ancré dans l'univers des X-Men, rattaché au cinéma, etc., ça me dérange pas, mais qu'il y ait des petites références quand même, qu'on comprenne, qu'on y est. Il y en a vraiment peu. Il y en a quasiment pas. C'est ça, pour qu'on se rende compte que c'est le même monde. Encore une fois, au début. C'est un peu le syndrome Agent Shield où t'avais pas été produit pour cela. Moi, ce que je crains un peu dans cette série, c'est que visiblement la Fox veut développer la télévision Netflix style et compagnie parce que ça ramène du blé. C'est est-ce qu'à la fin ils vont pas nous le raccrocher de manière un petit peu bourrine? Ça avait l'air parti pour être one shot, 8 épisodes, et on en parle plus. Ouais. Et ça va être difficile de la juger avant la fin de la série. Johnny, tu veux dire quelque chose à toi? Ouais, deux trucs. Le premier, c'est ben, comme t'as dit, visiblement, c'est plutôt un truc commencé sans lien avec X-Men et ensuite rajouté à X-Men. Et le truc, c'est que on est en 2017, ils ont commencé à faire des films X-Men en 2001, je crois. Un peu de retard. Et jusqu'à présent, non, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, ils nous promettent des trucs X-Men et à la place, on a des sous X-Men. Parce que quand tu lis les BD et qu'ensuite tu vois la version film, c'est un peu. On enlève tout ce qui caractérise maîtriser vraiment X-Men en bande dessinée. Et après, l'autre raison pour laquelle regarder cette série, du coup, c'est est-ce que c'est bien en tant que série. Et le premier épisode est super génial. À partir du deuxième, je trouve que ça commence à ralentir. Et justement, j'aime bien la comparaison avec Lynch. Le gros truc, c'est que dans les films de Lynch, ça peut être lent et il peut y avoir beaucoup d'atmosphère, mais il y a aussi beaucoup de recherche sur les personnages. Et il y a beaucoup d'intérêt à regarder les petites mimiques, les petits comportements, les petites lignes de dialogue. Dans les films de Lynch, il y a un truc très intéressant juste en observant les personnages. Et là, il y a des scènes où ils sont littéralement debout, les uns à côté des autres, à exposer du scénar pour te faire comprendre des trucs qui sont vachement nébuleux. Ouais, c'est pas super bien écrit. Mais regarde l'épisode 3, parce que vraiment, là, t'as un côté Lynch, ils sont vraiment... Enfin, t'as deux personnages qui rentrent dans la tête du héros et ils voient un peu le délire qu'il a dedans. Enfin, ça m'a fait penser un peu. Alors, ce film est pas super bon, mais j'aime bien le réalisateur. C'est The Cell avec Jennifer Lopez, où justement elle rentrait dans la tête de Vincent D'Onofrio, qui était un tueur en série. Et enfin, l'idée de base était intéressante, mais très mal exécutée, même si esthétiquement c'était bien. Mais là, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. On voyait ce qui lui fait peur, ils essayaient de comprendre un peu son histoire. Et ça commençait un peu à mettre en avant. Avant, voilà qu'il y avait des choses qui allaient c'est pas. C'est le troisième, C'est le troisième. Ouais. Ok, bah je suis allé jusqu'au 3 alors. Voilà. Et je me suis ennuyé beaucoup. Bah, j'ai même pas fini. Marc qui a pas encore parlé pour l'instant, et on va finir sur Marc, je pense. Et non, mais parce que tout simplement je l'ai pas vu là, série. Est-ce que ça te donne envie? Ouais, ça me donne pas mal envie, mais j'attendrai clairement que tous les épisodes soient sortis. Ouais. C'est un dimanche après-midi où il pleut. D'un coup. Ouais. Ok. Mais je pense que vu comment c'est, je pense que ouais, ça serait pas mal d'attendre que tous les épisodes soient sortis pour regarder. Parce que... par contre, il y a juste la question du rattachement, s'ils veulent vraiment le rattacher, le vendre après comme lien comme pour Agent of Shield avec les films, etc., avec lien avec les films X-Men et tout. Vu le concept qui est pas forcément ça. En plus, ça se passe pas au même moment. C'est plus psychologique et tout. Ce qui peut être vachement bien, hein, je pense. À mon avis, je pense que la série a vraiment des potentiels de développement qui peuvent être intéressants. Mais s'ils veulent le rattacher, est-ce que ça va pas les desservir et tout casser et en plus trop précisément. Mais je pense que Mathieu a très bien résumé les choses. Vu comment ils sont partis, il y a un risque que ça casse à la fin parce qu'ils vont devoir genre rattacher avec des bricoles, du scotch et machin pour que ça colle. Quoi. On va passer au vrai sujet. Et avant, on va faire une petite pause musicale. Et c'est un titre de Rolling Stone, c'est She's Like She's a Rainbow qui est dans la série. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu. Il y avait du lien, voilà tout ça. Fair and pale, have you seen a lady? Ooh. in gold. Like the queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the lady Pharaoh? She comes in colors everywhere. She combs her hair. Et c'était She's... et on arrête de discuter, les She's gens, là. Rainbow. Donc She's a Rainbow de Rolling Stone, donc tiré de la bande-son de Légion. Et on part direct sur... Wolverine. Voilà. Enfin réussi. Ouais. Donc on va vous parler de Wolverine. Avant de vous parler vraiment du film, on va peut-être revenir sur le personnage, sur qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et on va vous conseiller trois titres. On va vous parler du vieux, un peu plus neuf, et un truc en dehors de la continuité. Donc, enfin non, plus maintenant. Ah ouais, maintenant il est revenu. Ouais, maintenant il est revenu. Man local. Mais putain, merde. Ah, j'aime bien spoiler. C'est bon, les gens ils ont compris si tu dis ça. Donc Wolverine, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est un personnage créé par merde, je l'avais noté et j'ai pas pris mon. Je crois c'est que très professionnel ça. Wayne Lane. Je crois qu'il y a Romita Senior et un autre dont j'ai oublié le nom. Le papa de Junior du coup. Oui, voilà, celui qui dessine bien dans la famille. Celui qui, ouais. Donc il est apparu en premier dans un titre de Hulk, et puis après il est arrivé en tant que la seconde team X-Men. Ouais. Avec, il y avait quoi? Il y avait Tornade avec lui. Colossus Diablo. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est un personnage, je pense que vous connaissez tous Wolverine, tout le monde sait qui c'est. Avec c'est des Hugh Jackman, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Justement, je trouve que c'est... Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est pas... À la base, c'est pas pareil. Bon, ouais, voilà. Je pense qu'on on va commencer direct par la review, et c'est Mathieu qui va nous parler justement de ses... Un peu de ses... Enfin, c'est pas vraiment ses origines. C'est les origines de comment Logan est devenu Wolverine. Parce qu'au début, personne ne savait vraiment qui était... Wolverine. Attendez, je te le fais à la place. Donc, personne ne 30 savait. 30 ans plus tard, le son arrive. Ah, oh, c'est pas gentil. Personne ne connaissait le passé, puisqu'il était amnésique, le passé de Wolverine. Et c'est avec ce titre-là, donc, qui s'appelle Weapon X de Barry Windsor Smith, qu'on a appris le début des origines de Wolverine. Et c'est Mathieu qui va nous en parler. Spoil rien, je l'ai pas encore lu. Je peux le lire bientôt. Ouais, bon, en même temps, en même temps tu spoiler, connais l'histoire. Ça, voilà, ouais. Donc, c'est en 1991, effectivement, Marvel qui demande à un artiste qui s'appelle Barry Windsor Smith de raconter les histoires, l'origine de Wolverine. Alors, à ce moment-là, Logan est. Lorsqu'il se fait, donc en gros, c'est comment est-ce que Logan, qui est un mec un peu perdu, qui se noie dans l'alcool, qui a pas vraiment d'objectif, se retrouve avec des griffes d'adamantium. Et la particularité du comics, c'est que il est scénarisé, dessiné, ancré et colorisé par Barry Windsor Smith. Les rumeurs voudraient même qu'il ait travaillé sur le lettrage et même sur la qualité d'impression des comics. Ouf. À ce moment-là. Bon, c'est la légende. Et donc c'est un comics qui est très sombre, très violent, très glauque, c'est très sanglant. Du coup, le fait qu'un seul artiste s'occupe de tout ça, ça rend vraiment une qualité très homogène à la lecture, une espèce d'ambiance très anxiogène et très, très malsaine en fait, qui ressort de ce comics-là, parce que c'est juste une scène de torture sans fin pendant quasiment toute la lecture. C'est un microcosme de quatre personnages, simplement. Il y a Logan, bien sûr, mais en fait, le comics est raconté du point de vue de Logan qu'à la fin. Tout le reste est Logan, centré... Logan, tu veux dire... Oh là là. Voilà. Oh là là. C'est chiant, ouais. Moi, j'ai pas de casque, alors... Ton truc, ça marche pas. Je l'entends pas, je sais pas. Je demande le divorce. Moi je trouve ça drôle. Bon, celui dont on peut pas dire le nom, c'est exactement. Ça pour faire... Il s'appelle comment le gars déjà? Il s'appelle Voldemort. Voilà, exactement. Là, on peut faire arriver. Une émission sur Voldemort comme ça, moi ce serait plus simple. Ah, oui. Le gloutin, si vous voulez, on peut l'appeler le gloutin. Le glouton, on va le valider, c'est le gloutin. Oh purée. Ouais, c'est pas terrible. Du coup, donc le comic c'est vraiment centré sur trois autres personnages qui sont le fameux professeur qui est derrière ce programme Arme X qui transforme un pauvre Logan en une machine à tuer. Il y a le docteur Cornelius et son assistante, et en fait ce qui est plutôt intéressant je trouvais, c'est qu'on a vraiment le point de vue de ces personnages là, leurs états d'âme, leurs obsessions, leurs conflits professionnels. Il y a une scène que j'aime beaucoup où on voit même le recrutement de l'assistante qui pose quand même des choses, enfin vraiment un aspect très très réaliste à ce comics là. Barry Windsor Smith, il va même avec beaucoup de détails techniques un peu glauques, le fait de rajouter de nouvelles connexions neurales au pauvre Logan pour le contrôler, des orifices au niveau des mains pour que les griffes sortent sans qu'il y ait du sang partout, un casque de contrôle, des batteries de partout pour supporter toute l'énergie du matériel. C'est vraiment un râle laboratoire, encore moins qu'un râle laboratoire. Il est humilié quasiment tout le comics, il est vraiment disséqué dans tous les sens. Et c'est vraiment un comics fondateur pour Wolverine, tout simplement, parce que c'est de là que le pauvre Logan se transforme en une espèce de machine à tuer incontrôlable. C'est de là que vient le traumatisme de la douleur qui joue un rôle très important dans la vie de Logan par ailleurs. Et c'est de là que vient ce traumatisme aussi qu'il ait peur de se faire considérer comme une bête alors que ce n'en est pas une. Et c'est un comics assez malsain, encore une fois, d'autant plus curieux qu'au début des années 90, on a un peu tendance à regarder les dessins de McFarlane et Jim Lee qui sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus proprettes, colorées. Là, c'est vraiment un projet assez curieux et vraiment déstabilisant. Et ouais. Là, pour le coup, c'est assez puissant. En plus, il n'y a pas vraiment de lien avec le reste de l'univers. C'est pas lourd, c'est vraiment concentré pendant 8 épisodes sur une torture sans fin, psychologique, morale et destructrice du personnage, mais sans que ça soit redondant, c'est vraiment riche. Il y a aussi une scène que j'aime beaucoup, par exemple, à un moment donné, il confronte ce pauvre Logan qui est à poil dans la neige face à des gloutons, justement, à des espèces de gros mi-ours, mi-loup. Et c'est un carnage, bien sûr. Et l'assistante qui pleure à la fin en disant « Mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour sauver ces pauvres bêtes, quand même ?» Donc c'est dire le niveau de considération qu'ils ont pour le pauvre Logan. Et puis il y a 2-3 scènes cultes, au moment où il s'échappe, au moment où il taillade tout le monde. Enfin, c'est un moment qui a été repris dans Apocalypse. Voilà, c'est cette fameuse scène. Non, j'ai pas vu, spoiler. Bon, on l'a mis dans la vidéo, d'ailleurs, pour les gens qui ont... Mais voilà, il ressort Petit Malin, je crois, chez Panini ce mois-ci, début mars. Ouais. Dans une édition beaucoup plus grande, du coup, un grand format qui a rien à voir avec les autres, c'est hors format de tout ce qu'ils ont fait Panini. Et... Oui, j'ai pas trouvé la collection, c'est vraiment un truc particulier. Ça fait genre un style graphique novel un peu, mais donc, c'est pour les fans de Wolverine, pour moi c'est obligatoire. Moi ça je vais me l'acheter. Et même pour les non-fans, parce que je trouve que ça reste un bon comics, pas forcément mainstream super-héros, mais vraiment bien bien ficelé. Ok, bon, on va passer à un truc beaucoup plus mainstream pour le coup, et c'est Johnny qui va nous parler de Wolverine and the X-Men. Donc, voilà, merci. Et qui est sorti il y a pas trop longtemps, il y a 2 ou 3 ans a priori, puisque c'était après il est sorti en 2014. Exactement. Mais le deuxième est sorti en 2014, le premier est sorti en 2011. Oui, mais je me demandais parce que c'est après un event un peu particulier. Ouais, alors on va se lancer dans l'explication de comment on arrive là, parce que quand Marvel a envie de te faire un truc compliqué, c'est avec les Phoenix, c'est fabuleux. C'est la saga du Messie, Voilà. Exactement. Mais en gros, pour simplifier, Wolverine, qui a toujours été le gros bourrin couvert de poils avec les capacités sociales d'une petite cuillère, qui un jour se décide... Je vais te dire qu'il a souffert. Donc il se décide, après la destruction de l'école de Xavier et la mort du professeur susnommé, il décide de créer sa propre école, que d'ailleurs il appelle l'école Jean Grey, ce que j'ai trouvé extrêmement étrange. Enfin, son obsession est perturbante. C'est une gamine de son point de vue, c'est bref. Non, mais la vieille, celle qui est morte. Et le comité des comics a sorti une vidéo où il dit que il y aurait une relation avec Squirrel Girl qui est encore mineure, donc Wolverine a son, il a ses habitudes aussi. Il aime bien les petites filles, comme les lèvres. En même temps, il a 120 ans et des poussières. Donc, Non, mais là, le nombre de pseudo apprentis qu'il a eu, qui sont toutes des gamines, je trouve ça légèrement suspect. C'est un peu comme Batman avec tous ses Robins. Enfin bref. Et donc au début de Wolverine et X-Men, en fait, c'est Wolverine qui décide d'ouvrir une école pour perpétuer en fait l'objectif du professeur Xavier, qui va mourir dans pas longtemps d'ailleurs. Et il se retrouve du coup proviseur en fait, tout bêtement, d'une nouvelle école. Et le premier arc, c'est mon préféré, c'est celui que je lis encore et toujours, qui a été écrit par Jason Aaron et dessiné par Chris Bacalo. Et donc en gros l'idée c'est que l'école vient d'ouvrir, Wolverine ne sait pas trop comment faire étant donné qu'il a jamais, il s'est toujours occupé que de lui-même, il a été élevé par des loups et il sait pas comment faire pour éduquer des enfants. Et il se retrouve dans une école qu'il doit gérer et qui est remplie de systèmes bizarres du genre la Danger Room, c'est-à-dire le système d'entraînement qui était utilisé par les X-Men avant dans l'école de Xavier, avec des hologrammes et des missiles qui sortent des murs. Maintenant il est incorporé dans toute l'école, donc vous pouvez aller aux toilettes et les toilettes vont vous attaquer à coups de missiles et de rayons laser. Mais je crois que même toute l'école, elle est sur Krakoa. Krakoa, ouais, et voilà, toute l'école est sur un monstre. Enfin, ouais. c'est le comic est super barré et en fait tout son plan commence à partir un peu en sucette parce que le même jour, il y a des inspecteurs qui viennent pour s'assurer que l'école est aux normes. Ils disent pas, ils disent qu'elle doit correspondre aux normes de sécurité, non pas pour les élèves dans l'école, mais pour les gens autour de l'école. Et le jour où les inspecteurs arrivent, il y a des membres d'une société secrète qui a pour objectif de, en général, de manipuler un peu le monde et embêter les mutants. Ce jour-là, c'est une bande de gamins surdoués. Il y a le super financier, le super Frankenstein qui a pour sa propre armée de monstres avec des lance-flammes qui décident d'attaquer l'école. Et tout le bouquin est juste en fait super génial. Ils ont vraiment pris le parti en fait. On a tout un bâtiment qui est barré au possible, rempli de plein de gens avec des pouvoirs barrés au possible. Et on va faire une histoire qui se prend pas trop au sérieux et on va justement mettre au service le dessin de Chris Bacalo. Qui est génial et qui rend vraiment super bien service au scénario en fait. Il prend vraiment en compte le chaos total et le fun en fait. C'est surtout ça, c'est un peu comme un épisode de série télé, de dessin animé où c'est juste 20 minutes de pur fun et c'est génial. Ok. Et en parallèle de cette série justement fun et déjantée, il y a également Rick Remender qui a écrit Uncanny X-Force, qui est sorti en deluxe chez Panini, qui est vraiment un contrepoids de Wolverine et X-Men, parce que là on rentre vraiment dans une équipe qui n'hésite pas à tuer. C'est très sombre, très mature, très, très dark, et c'est tout aussi génial quoi. C'est vraiment deux lectures qui se complètent très bien. Et en plus ce run là suit après les Uncanny Avengers que va reprendre Rick Remender. Il y a des petits liens, donc ça permet d'avoir un petit peu d'informations sur le passé. On s'est fait un comics en plus à lire, et on va finir avec en tout cas moi je conseille beaucoup ce comics. Ouais, Il est vraiment très beau. En plus Chris Bacalo, dessin est génial. C'est génial. Ouais. Et on va finir avec le comics de Thomas. Oui, voilà. Je m'appelle Thomas. Oui. je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Donc qui était un peu hors continuité avant puisque c'est un what if de Mark Millar. Ouais, mais maintenant ça a été le personnage a été rejoint. Je vais expliquer. Vas-y, vas-y. Bah alors en gros ça s'appelle Old Man Logan. C'est un comics de Mark Millar au scénario. Donc comme Mark Millar, on n'a plus trop besoin de le présenter. Mais vite fait, bon, c'est celui qui a fait le gros event Civil War, l'univers Ultimate. C'est celui qui a aussi fait en indépendant Kick-Ass, Kingsman et puis plein d'autres trucs. C'est pas vraiment indépendant, c'est chez Marvel Kick-Ass. Bah, c'est dans le Millar World maintenant, ça s'appelle. Oui, donc mais c'est l'univers de Mark Millar. Et au dessin, on se retrouve avec Steve McNiven qui a déjà fait équipe avec Mark Millar du coup sur le gros event Civil War, qui a travaillé. Steve McNiven a aussi travaillé sur Death of the Wolverine, qu'on va pas parler du coup aujourd'hui, mais qui était sympa niveau dessin. Et voilà, qui a beaucoup travaillé avec Mark Millar. Alors c'est un what if, donc un what if ça veut dire que qu'est-ce qui se passerait si, en gros. Voilà. Et c'est dans un univers parallèle du coup où les super vilains, et en gros ils ont pris contrôle de la Terre et ils sont répartis chacun une petite partie des États-Unis Donc du coup Docteur Fatalis, tout ça, ils se sont répartis un peu aux États-Unis et Crâne Rouge c'est le grand chef en gros. Et en gros ils ont tué tous les super-héros et Wolverine n'a pas sorti ses griffes depuis 50 ans. Donc on sait pas pourquoi, on sait juste qu'il s'est passé quelque chose de très grave pour ce pauvre Wolverine. Et il se retrouve dans une ferme avec, il s'est fait une petite famille où il vit calmement. Ça va pas se passer comme prévu à partir du moment où la famille de Hulk, parce qu'il faut savoir que Hulk dans cet univers, bah, il s'est créé une famille d'inceste un peu dégueulasse et qui est plutôt drôle et qui est devenu un grand méchant à cause de sa radioactivité, un truc du genre. Et donc en gros, Logan, parce qu'il veut plus qu'on l'appelle Wolverine, doit une dette à la famille Hulk. Et pour rembourser sa dette, il va partir en mission avec le Hawkeye, qui est un des rares super-héros qui est encore vivant, qui est devenu une sorte un peu de mercenaire. Et il va partir avec lui pour livrer une cargaison dont on ne sait pas. Donc voilà. Donc le pitch est assez intéressant parce que du coup on se retrouve dans un univers complètement délirant qui fait référence à toute la mythologie Marvel. Donc c'est bourré de références. Hawkeye à la Spider Mobile des années 60 là, qui est plutôt drôle, qui s'adapte à tout et n'importe quoi. On est vraiment dans une sorte de un peu de western en fait, parce que graphiquement, oui, c'est vraiment post-apo, donc ouais, graphiquement c'est vraiment post-apo. Et du coup on a ces États-Unis complètement désertiques et avec tous les cadavres des super-héros. Enfin il y a toute la mythologie de Marvel qui est super bien exploitée et qui est vraiment intéressant à voir. Aussi ce qui est super intéressant, c'est le personnage de Logan ici qui est complètement détruit, alors que d'habitude on a l'habitude de le voir comme un fauve qui détruit tout sur son passage. Bah ici c'est une nouvelle facette de Logan qui m'a rappelé un peu qui peut me rappeler vite fait, parce qu'après ici c'est plus en mode divertissant ce comics, mais Dark Knight Returns, on a un Batman brisé, bah là c'est un Wolverine qui est complètement brisé de A à Z et qui va devoir apprendre à se reconstruire. D'ailleurs on retrouve des similitudes rapide. Parce qu'avec Hawkeye par exemple, qui a un problème. Oui, Hawkeye comme. Et qui a un problème à la vue. Green Arrow. Endommageant pour lui, il était Green Arrow dans le Batman justement. Ouais, qui est aveugle aussi. Ouais, enfin je sais plus s'il est aveugle ou si c'est son bras qu'il a en moins. Ah ouais, voilà. Mais du coup, c'est deux archers hyper forts, hyper réputés qui vont quand même. Oui, il y a vraiment du Dark Knight, ouais. Et puis après, les dessins de Steve McNiven qui sont tout simplement excellents. Il a un côté plutôt réaliste dans les dessins, mais vraiment, c'est bourré de détails au possible. Et puis il a une très grande mise en scène qui peut parfois faire penser aussi un peu au cinéma. Enfin Steve McNiven a un très très très grand dessinateur. Ok. Je pensais que ça prendrait moins de temps que ça et au final on a pris pas mal de temps. On va enchaîner direct sur le film. J'avais demandé à Faye de nous faire un petit topo sur les anciens films, mais peut-être qu'on ne va pas avoir le temps. Bon, je fais ça vite. Vas-y, alors le premier est très très mauvais. On a donc Wolverine. Voilà, ça c'est fait. On a Wolverine qui pleurniche. Enfin Wolverine Origins. Mais c'est un des meilleurs films de super-héros. Il y a eu Wolverine Origins aussi bon après. Ah non, non. Je crois que tu parlais du premier X-Men. Non, on va pas aller jusque loin parce que sinon l'émission elle durait 50 ans. Je vais recommencer. Wolverine Origins. Hein. Excusez-moi, vous avez. Je vais partir. Hein. Wolverine Origins, donc réalisé par Gavin Wood, qui a fait aussi la stratégie Under, qui est pas terrible non plus. Bref, donc ce film est nul parce que Wolverine, il est trop fleur bleue. Il est idiot, voilà, je peux pas dire autrement. Le mec il s'échappe de l'arme X, d'ailleurs on en avait parlé plusieurs fois. Il tombe pile sur le petit couple de vieux qui ont pile le blouson à sa taille, pile les vêtements à sa taille, une moto, c'est génial. Et quand ils ont tout donné, ils crèvent, c'est super. Enfin bref, une histoire pas très intéressante, des effets spéciaux bizarroïdes. Pas grave. On retrouve Cyclope et comment ça s'appelle, on a dit. Oui, bah Cyclope et sa copine, ils devraient pas être là. Enfin bref, y a rien qui va, Deadpool ne va pas, rien ne fonctionne. Donc le 2, le combat de l'immortel, réalisé par James Mangold. Alors, c'est un peu mieux au niveau des scènes d'action, mais on se fait quand même grave chier et le scénario est prévisible. Le 2 est pas mal. C'est prévisible, tu vois. Qui est pas terrible. On se calme. Qui veut parler? On lève la main. Léo, vas-y. Moi je trouve que c'est quand même un film qui transmet une vraie ambition de cinéma, enfin en tout cas une vraie envie de cinéma. Pour moi la réalisation elle vaut 100 fois n'importe quel Marvel de mes couilles qui arrive avec n'importe quel Yes Man. James Mangold, il a une envie de cinéma, il fait des belles images et puis de la symbolique, c'est recherché. Non, en mais plus, il y a un scénario original dans un contexte plutôt original. Le problème n'est pas sur la réalisation, parce que ce garçon, James Mangold, et on va le voir sur Logan, le gars, il bosse, ça se voit. Le problème, c'est le scénario et... alors moi, attention, je vais me faire taper, attention, en 30 secondes. Je n'aime pas Hugh Jackman. Allez-y, frappez-moi. Ouais, okay, d'accord, je passe le micro. Je n'aime pas sa façon, c'est pas Wolverine. Alors, vous savez, non, mais moi, j'étais super fan, bon, j'aime bien les comics, mais j'étais aussi super fan du dessin animé des années 90, limite amoureuse un peu de Logan dans des dessins animés. Et il était violent, et là, il n'est pas violent. On n'est pas censé parler du nouveau. Alors, passons au nouveau, ça va être plus intéressant, je pense. Bah, vas-y, fais-nous un petit pitch, vu que t'es en train de parler. Oh, bah, le pitch, c'est comme il a dit le garçon à côté. Logan, il est vieux, ça se passe en 2029, donc le mec, il en peut plus, il boite, enfin bon, c'est l'horreur, quoi. Il s'occupe de Pépé Charles, bah, qui est pas très bien non plus dans sa tête, le garçon. Il est un petit peu sénile. Et puis, bah, un jour, ils vont tomber sur une jeune fille qui est un peu bizarre, voilà. En gros, c'est ça. Je vais avec pas spoiler. On parle avec la canne du sud. Voilà. On va faire un petit tour de table, savoir en un mot ce que vous avez pensé du film. Puisque tout le monde l'a vu en partie, puisque Mathieu, d'ailleurs tu vas parler en premier, tiens. Voilà, Mathieu... comme ça je m'en vais après. Mathieu n'en a vu qu'un bout, puisque malheureusement il y a eu un incendie. Ouais, alors, la personne qui a foutu le feu au Gaumont Multiplex vendredi à 22h, je peux le retrouver dehors à la radio. Ouais, donc du coup j'ai pas eu la fin. Donc qu'est-ce que t'en as pensé? En un mot? Ouais, en une phrase. En une phrase, c'était cohérent avec la bande-annonce que nous avait montrée, et c'est tellement rare que c'était déjà pas mal. Ouais. Ok, on va enchaîner avec nos invités, avec Marc, tiens. Marc, il l'a vu, lui? Oui, je l'ai vu. Ah. Et j'ai vraiment, vraiment aimé la première moitié. Ouais. Ça tombe bien. Voilà. Mais tu vois, t'as bien fait de partir, en fait. T'as bien fait de t'arrêter. Non, j'ai été assez déçu pour le dernier tiers. En général, je pense qu'on en parlera plus pendant la partie spoiler. Sûrement, oui. Ouais, j'étais assez déçu. Okay. Thibaut, excuse-moi. Non, ça va, attendez pas. En un mot, ouais, complexe, ouais. À tous les points de vue, très intéressant et très sympa, mais assez complexe pour plusieurs défauts. Enfin bon, on va en reparler après, je pense, mais voilà. Mais un film très sympa qui m'a plu quand même. Léopold. Et ben voilà, j'en parlais la dernière fois. C'est un film, enfin un vrai film, enfin un vrai film avec une vraie réalisation, une vraie histoire, des vraies ambitions, des vrais enjeux. Voilà, c'est exactement tout ce que j'attendais du film et exactement tout ce qui vendait dans ces bandes annonces. Bah pour moi, c'est très très très bon et c'est sans doute le meilleur Marvel qu'on ait pu voir all time. Ok, on va passer de l'autre côté. Non, c'est Johnny qui va parler parce qu'il ne suit pas. Allez, vas-y. Moi aussi, si je suis. Alors, tu veux une critique rapide? Je suis assez d'accord avec Léopold, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que c'est un vrai film et c'est exactement ce que je voulais, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul que je voulais voir de la Fox. Et effectivement, c'est un super bon film, il y a des super performances dedans, et c'est vraiment, ça prend vraiment en compte le personnage en tant que personne, pas juste en tant que personnage que t'aimes, un peu avec la logique d'un Power Ranger, genre il a des griffes qui brillent, du coup je l'aime bien. Voilà, ok. Et bah Romain? Et bah du coup, en un mot, c'était génial, j'ai adoré aussi. Par contre, bon, au niveau des enjeux, on va pas dire non plus qu'il y a eu des enjeux extraordinaires, c'est plutôt assez classique pour un film de super-héros, mais c'est très bien utilisé parce qu'il y a un message de fond derrière tout ça. C'est un super film visuellement, au niveau du jeu d'acteur et de la réalisation, allez-y, vous allez vous régaler. Rebondir directement sur ça. Vas-y, allez. Si je peux me permettre rapidement, des enjeux, je sais pas si les enjeux sont déjà vus, enfin les enjeux là, c'est des enjeux très personnels, très intimes, et on n'a jamais vu ça dans un film de super-héros, des enjeux aussi intimes où il est vraiment question de sa vie, de la question de vie ou de mort, et puis aussi du fait de s'il va tenir encore longtemps, et puis du fait qu'il est alcoolique. Enfin, c'est des questions que moi j'ai jamais vu dans un film de super-héros. Oui, alors après l'histoire est très bien, voilà, mais c'est juste une question d'enjeu. Pour moi, les enjeux, c'est pas le fait qu'il soit alcoolique, etc. C'est en gros les ennemis qui l'affrontent. C'est plutôt un speech assez classique avec des méchants qui veulent récupérer une fille, et où Wolverine veut s'interposer là-dessus. Ah, pour après, moi, c'est totalement en retrait, c'est plutôt un enjeu de passation de. Voilà, après, voilà, tous les enjeux qu'il y a derrière, tout le message qu'il y a derrière, lui par contre, c'est très intéressant, vraiment, très développé. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de menace en fait. La menace est assez classique, c'est que je veux dire en gros. Ouais, okay. Dans les enjeux, d'accord, pour moi, c'est la menace et je trouve qu'elle est assez Thomas. Classique. Bah, moi, ça a été. Je pense que c'est l'un de mes X-Men préférés. Ce film m'a mis une grosse claque, rien visuellement, scénaristiquement, tout. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé excellent. Excellent. Ok. Faye. Alors, je rejoins ce qu'a dit Léopold, et je rajouterais que je l'ai trouvé rafraîchissant parce qu'on a enfin autre chose que la recette Marvel. Et je dirais aussi dommage que le petit Hugh Jackman se mette à jouer correctement son rôle à la fin. Voilà, C'est voilà, je suis désolée, je n'arrive pas. Bah non, voilà. Bah non. Mais sinon, ouais, je dirais que c'est un de mes films sur l'univers X-Men préféré. Ouais. D'ailleurs, pour les gens qui ne sauraient pas, on a fait une vidéo avec Faye sur la chaîne de l'Amicale du Geek. Si vous voulez notre avis un peu plus, pas en profondeur, mais rapidement. Et sans spoiler. Et sans spoiler, exactement. Bah, allez voir la vidéo sur la chaîne de YouTube. Vous tapez l'Amicale du Geek et vous trouverez. Donc moi, je suis à peu près du même avis que Faye et que Léopold. Quoique, je suis un peu plus de bémol par rapport à. Exactement. J'ai trouvé que la menace était vraiment pas au niveau. Que il y a au niveau du scénario, ils ont réussi à vraiment bien écrire les personnages principaux, mais derrière ça manque d'écriture, ça manque d'étoffe, et je trouve qu'il n'y a pas assez de lien avec le reste de l'univers X-Men, et que bon, je m'attendais vraiment à un vrai univers post-apo, et au final bah c'est un film contemporain. Non, après oui, ils ont juste tourné au Mexique dans un désert quoi. Oui, voilà. Mais après je suis assez d'accord sur les menaces, effectivement c'est pas ce sur le quoi le film a voulu mettre le plus l'accent, et c'est vrai que c'est assez classique. Pas moi, je suis pas du tout convaincu par X-24. Par contre, ouais, les menaces sont assez classiques, mais le message diffusé derrière, un petit peu subtilement, vraiment est très très intéressant. Pardon, fait. Non, pardon, excuse-moi. Non, en fait, ouais, je veux dire, en fait, moi aussi, je critiquais les menaces et tout, on en parlait tout à l'heure, mais finalement, la vraie menace du film, comme on le dit dans la vidéo, c'est le temps, c'est-à-dire, c'est la vie. La vie est une poufiasse, elle vous prend tout, et après, bah voilà, elle va s'en caca. Dans ce cas-là, il y a Johnny qui voulait. Vas-y. Ouais, tu t'attendais à un film post-apocalyptique alors que c'est pas le cas, c'est pas Old Man Logan, c'est juste. En fait, c'est même l'un des éléments que j'ai bien aimé, c'est que ce film, en fait, on prend deux grosses légendes de leur univers, c'est des gars qui sont universellement connus et c'est mentionné plusieurs fois dans le film. C'était un peu c'était les super-héros, quoi, c'était les X-Men, ils ont des BD sur eux et tout. Et en fait, le monde a juste continué sans eux, quoi. Les gars sont devenus des véritables ruines alors que le reste du monde autour est tout à fait normal, similaire au nôtre, c'est juste que c'est en 2029 et que c'est légèrement. Ils ont des produits bizarres dans leur eau, mais sinon, le monde est le même que maintenant, en fait, c'est juste qu'il est concentré sur le point de vue de gens qui souffrent le plus du système, en fait. C'est intéressant de dire que le monde est le même que maintenant, mais en gros, il nous dépeint quand même un monde où les grosses entreprises, les grands groupes ont pris le contrôle de l'univers. Il y a une critique quand même sur les OGM avec un monde assez dévasté. Vraiment, les gens sont un peu soumis aux grands groupes. On devrait pas trop spoiler les lignes du. Oui, d'accord, oui. Ok, pardon. Bah, Thibaut, tu voulais parler. Ouais, moi, personnellement, ce qui me plaît vraiment dans son film, et c'est bon, on en parlera plus après dans les spoils, c'est là où je trouve qu'il est décomplexé, c'est sur l'idée générale d'avoir justement Logan vieux, fatigué, usé que ça, et pourtant de lui mettre un scénario qui va exiger de lui encore plus que ce qu'il a pu donner par le passé. Parce qu'avec tout ce qui lui arrive dans la tronche aussi rapidement, aussi vite, sans faire les spoils, je suis désolé, mais pour quelqu'un qui est fatigué, qui est usé, qui arrive plus à se régénérer. C'est dur quand même, hein. Le pauvre. Effectivement, il en prend plein. Attends, on va. Marc, tu veux peut-être lui dire quelque chose? Non, il n'y a pas. Mais je le trouve vraiment dithyrambique avec le film. Vas-y, donne ton avis sur le scénario. Moi, je trouve ça m'a vraiment. Je me suis fait chier à la fin. Hein. Moi, j'aime bien. Max, il m'a gavé. Hein. On en parlera en spoil parce qu'on n'a pas vraiment parlé de la deuxième moitié. Ouais, on non, peut non, pas. Bien sûr. Je suis assez d'accord sur ce que vous problème, dites. Surtout le problème, c'est que les choses qui vont pas dans le film, on peut pas en parler sans spoiler. Enfin, moi, je sais que c'est pas logique. Je range mon frein. On a encore 5 minutes et après, on partira en zone spoiler. Juni, tu voulais dire quelque chose? Un truc, c'est pas le film en soi, c'est juste une petite note parce que il y a des parents qui ont pas l'air de capter en fait ce qu'ils emmènent, ce qui se passe à l'écran. J'ai vu des enfants juste devant moi et j'ai trouvé d'ailleurs assez ironiquement drôle d'avoir le père qui emmène son fils. Au bout de littéralement une minute de film, il se tourne vers son fils pour lui demander si ça va parce que la violence est juste. Oui. La violence est excellente. La scène d'intro est géniale. C'est pas qu'elle est excellente, c'est qu'il y avait un gamin d'environ 10 ans devant moi devant un truc que normalement il devrait pas voir. Attention quoi, on n'est pas. N'emmenez pas vos enfants. Attends, parce que Marc va parler beaucoup, vas-y. Ouais. Alors, corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais il interdit au moins de 12 ans en France, non? Ah bah bref. Oui, c'est ça. Des conseillers au moins 12 ans, donc bon, c'est vrai que... C'est interdit pour le coup. Interdit. Mais tu vois, c'est ce que j'allais dire, encore une fois... C'est pour les programmes télévisuels, interdit c'est cinéma. Mais encore une fois, on se rend compte que le problème, c'est pas la violence, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont cons. ils ne lisent pas ce qui sort. Ils voient super-héros, oh, bon, c'est pour mon gosse, j'y vais. Non, mais non, quoi. Mais si tu veux, c'est pour le comparer à la, au rated R aux États-Unis qui est moins de 17 ans. Ouais. Donc bon, il y a toujours un petit décalage quand même vers la France. Alors, juste pour le coup, au contraire, aux États-Unis, c'est moins de 17 ans non accompagné. Donc aux États-Unis, c'est vraiment les parents qui choisissent ce qu'ils emmènent voir leurs parents, ah, voir leurs enfants. Il y a un gros décalage entre 17 et 12. Ah non, on est d'accord, bien sûr. Mais après, les Avengers, c'est moins de 13 ans. Donc c'est un système qui est totalement différent. Johnny, décidément, pour revenir au film, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que bon, c'est pas un secret, c'est le dernier pour Hugh Jackman, c'est le dernier pour Patrick Stewart. C'était quand même des super bonnes performances. Ah, ils ont super bien joué. Et en particulier Stewart pour tout ce qui est la vieillesse du gars, et déjà il est en fauteuil roulant. Alors là, franchement, mais la relation entre les deux, ouais, ils fonctionnent bien super bien. C'est bien, si je peux me permettre, c'est le film justement où on leur donne le plus de possibilités de jouer. Enfin, à part les premiers X-Men 1, 2 et 3, les autres films, notamment pour les futurs passes, ils arrivent, bonjour, c'est nous, oui, asseyez-vous, entrez, sortez. Niveau performance d'acteur, c'est compliqué. Et là, on a quand même un Wolverine, un Charles Xavier qui sont plus à devoir jouer sur leur pouvoir, donc des trucs d'effets spéciaux, ouais, mais à jouer sur leurs émotions et à les faire retranscrire. Et ça, c'est plus difficile. Et ce qui était bien, moi, ce que j'ai trouvé, on en avait parlé avec James, c'est que quand j'ai vu Deo Future Pass et que j'ai vu le film, j'ai trouvé que Patrick Stewart, il avait un peu pris le jeu d'acteur justement de James McAvoy, parce que le début de Deo Future Pass, on le voit pareil, c'est une loque, machin et tout, et on retrouvait un peu ce mauvais côté-là de Charles dans Logan, et je trouvais ça vraiment super bien. J'ai l'impression que c'est plus le même personnage par rapport au film X-Men. Tout à fait, ouais, il a bien évolué, et il faut aussi souligner la performance de l'actrice qui joue X-23 là, qui est très bien. Elle est excellente dedans. Excellent. Moi d'habitude j'ai du mal avec les enfants dans les films, etc. Enfin, m'attacher à des personnages principaux qui sont des enfants, là elle m'a bluffé, quoi. Après, je sais que certains amis, quand j'en ai parlé justement là-dessus, m'ont dit oui, non, mais c'est trop exagéré, ça va trop. Mais faut pas oublier que ça reste un film, donc t'es limité par des capacités scénaristiques. Mais ce que l'actrice, qui est pas encore très très connue, qui a fait, je crois, quelques trucs. C'est son premier film. Elle a fait une série, je crois. Ouais, elle a fait une série, il me semble. Mais elle rend une performance qui, pour des jeunes acteurs sur un film aussi gros, avec des stars aussi, parce que c'est quand même Hugh Jackman d'un côté, Patrick Stewart de l'autre. Mais voilà. Le fait que généralement, quand on voit un enfant jouer, on se rend compte que c'est un enfant. Moi, je me rends compte souvent que c'est un enfant qui joue. On voit que c'est du jeu, en fait. On voit qu'il joue. Et là, on passe outre ça et on voit vraiment le personnage X-23 à travers cette actrice. Pour moi, je trouvais que cette X-23, enfin, quand je l'ai vu dans la bande-annonce, ça m'a rappelé Hit Girl, et franchement, je la trouve encore plus hardcore qu'Hit Girl. J'ai trouvé ça excellent. Elle fait pas assez Hit Girl pour un enfant de cœur. Enfin, il y a la scène de combat où on voit je spoil pas parce que c'est dans la bande-annonce. Bah, cette scène, elle est tout simplement excellente. Les scènes de combat, moi, je les trouvais excellentes parce que la violence permettait qu'on puisse avoir un Wolverine comme on l'a dans les comics, c'est-à-dire un Wolverine qui découpe des bras de partout. Et je trouvais justement ça cool de voir vraiment un Wolverine sauvage, en fait. Ouais, ça sert le personnage, les accessoires. X-23 aussi, méga sauvage. Alors, le détracteur du film. Non, c'est juste pour avoir votre petite opinion, mais moi, quand dans ma séance, pendant les scènes un peu gore, un peu trash, les gens riaient doucement. Ah, mais moi je rigolais, mais c'est juste parce que j'étais en mode waouh, enfin Wolverine, tu vois. Genre, oui, il y a un côté assez jouissif, moi aussi. J'avais tendance à sourire. Ah ouais, moi j'étais en mode trop cool. J'ai l'impression que c'était peut-être de la moquerie. Ah non, c'était pas du tout de la moquerie. Moi c'était en mode oh ouais, enfin il y a Wolverine, c'est ça. Il débarque, quoi. C'est vrai que c'était un côté jubilatoire. Ben alors, moi je sais pas si t'as entendu, mais les gars qui étaient derrière nous, ils ont dit oh putain, enfin. Quand il a fait ça, j'ai entendu. J'y ai pensé très fort, donc. Mais moi aussi, j'étais trop heureux. J'étais en mode waouh, ça c'est du combat qu'on veut voir. C'est comme sur Kick-Ass, tu vois. Des fois, je me tape des barres quand je vois Edgar qui découpe des gars. Mais moi, la sortie du film, ce que je me suis dit, c'est putain, enfin Wolverine, quoi. Ouais, vraiment. Moi, le kiff que j'ai le plus trouvé, mais là, c'est pas un spoil non plus, parce que c'est dans la bande annonce, on le voit, c'est le fait d'avoir justement Wolverine avec cette gamine sur les bras, et d'avoir un espèce de quotidien de quand t'es dans le supermarché et qu'elle s'en prend au vigile et que t'as. Je suis désolé, mais ça, c'est quand même mort de rire. Il est au bout et on lui refile ça dans les pattes. Et sans personne pour l'aiguiller, puisque l'autre il dépend d'étapes psychologiques. Et... Un truc qui m'a plu, et dont j'avais envie de vous parler, c'est le côté road trip et road movie du film, que j'ai trouvé vraiment cool. Peut-être que Mathieu, tu en as vu un petit bout, peut-être au début. Ouais, je m'en vais, c'est ça? Non, mais il faut savoir ce que t'en as pensé. T'as peut-être quitté avant qu'ils partent. Juste après le générique de début, ça a pété. Non, c'est pas vrai. Ça a pété après qu'ils soient partis, donc j'ai vu une partie. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé de cet aspect, le peu que t'en as vu? Globalement, ouais. Globalement, si tu as été une écriture des personnages effectivement qui a des années-lumière de ce que tu peux voir dans du Civil War, du BVS, un truc comme ça. Après, ouais, tu reviens aux premiers films de super-héros, sur les premiers X-Men, les premiers Spider-Man, où c'était plus les personnages qui étaient au centre du récit et pas le gant de l'infini et des menaces cosmiques. Donc c'était c'est un mini retour aux sources, c'est vraiment vraiment intéressant. Je rejoins la performance de la petite qui joue X-23, qui est phénoménale de férocité. Les acteurs sont vraiment bons. J'ai envie de dire qu'on a un peu subi les premiers X-Men et les Wolverine pour ce film-là. Enfin, je pense que c'est ça, le mot c'est enfin. Quoi. Enfin, on a ce qu'on a envie de voir depuis des films. Puis merci à Deadpool et son Rated R qui a enfin expliqué au studio qu'on pouvait faire du pognon avec un film qui ressemble à quelque chose. Faye voulait dire quelque chose et on va conclure sur ça pour la partie. Justement, ça va être bien pour la conclusion. C'est vraiment l'Euro Trip, c'est là où la réalisation m'a le plus plu. Parce qu'il arrive bien à avoir des scènes qui sont très intimistes entre les persos, à capter des petits regards, des petits trucs qui te permet de voir en fait les relations entre eux et tout. Puis des fois il va les noyer dans des plans, tu vois, grand, où on va voir la voiture de vue de très haut et machin, où justement on ressent le fait que ces personnages sont perdus et finalement ils font une quête. Et le film pour moi c'est un peu l'acceptation finalement de soi-même, de sa vraie nature et de ce qu'on a fait avant de passer à autre chose. Il y a un côté un peu, tu vois, ça me rappelle Tolkien un peu, tu vois. Ah, ça y est, c'est le côté genre tu finis un chapitre pour en commencer un autre et tout. Enfin, ça m'a plu et j'ai vraiment aimé le côté humain de l'histoire et le côté aussi qui parle plus du pas seulement des personnages au premier degré mais du film du super-héros en lui-même. C'est-à-dire quelque part on te dit voilà, mais je spoil pas. Oui, non, mais je veux dire, mais c'est pour conclure. Je peux conclure, mais oui, vas-y. Non, juste, ça dit juste qu'au final ok, on a cette génération là qui est finie, on va passer à une autre, et ben il est temps de faire autre chose que ce qu'on vous a proposé jusque là et le film fait ça et moi je dis bravo, voilà. C'est bon augure pour la suite, ouais, en effet. On va faire un dernier tour de table. Et on va. Est-ce que vous conseillez le film ou pas? Oui ou non? Oui. Juste oui non. Et donc voilà. Faye, toi? Oui, complètement. Mais par rapport à Old Man Logan, ils l'ont vendu comme Old Man Logan. Mais je tiens à dire que pour ceux qui s'attendent à avoir une adaptation de Old Man Logan, ouais, ça n'a rien à voir. C'est très loin. Romain. Complètement, ouais. Je conseille ce film. Ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, notamment chez la donc Fox. J'ai une question. Mais est-ce que ça te donne envie de voir la suite de les films? Les prochains films de Fox, quand c'est des films du genre de Logan, tout à fait, ouais. Surtout que je pense qu'en fait, Deadpool, ça a été vraiment bénéfique pour la Fox. Ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire tout péter à l'écran et de faire des scénarios complètement bateaux. Il y a des trucs, ils vont dans des choses intéressantes et ça peut servir d'exemple normalement à Warner qui a essayé de faire des films en fait un peu comme Logan, c'est-à-dire mature avec des petites bagues, etc. C'est vraiment ce qui est, je pense c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. C'est un bon exemple. Johnny, toi qui étais le plus détracteur par rapport aux suites des films, où tu disais que c'était le dernier film de la Fox qui était à voir, c'est toujours le dernier de la Fox que j'ai mais ça voir. T'a pas donné envie de voir la suite? Non, et surtout qu'en plus ils ont on en parlera dans les spoils, mais il y a pas mal d'éléments scénaristiques dans Logan qui en gros me confirment que c'est un peu inutile de voir la suite si tu t'intéresses à la vie de ces persos et à ce qu'ils vont réussir ou pas. Donc, okay. Mathieu, est-ce que tu vas retourner le voir en entier? Déjà, on va rembourser ma place, j'espère. Et puis, oui, je retournerai le voir par principe pour voir la fin. Effectivement, Duny a bien fait de le préciser, attention à la restriction d'âge, parce que c'est quand même bien violent. Et puis, parce que je suis quand même obligé de le caser à un moment donné, vous parlez de la menace tout à l'heure qui était un peu invisible, je me demande si c'est pas la menace fantôme. Voilà, caution Star Wars, je m'en vais. Je me tire. Marc. Ouais, même si j'ai des critiques, oui, il est quand même pas mal. Mais avec un climax un peu faiblichon à mon goût. Ok, Thibaut. Alors moi, oui, je conseille d'aller le voir parce qu'il il fait preuve de beaucoup de qualité. Alors tout le film a ses défauts, donc forcément, si on veut voir un film parfait, ça limite les choix. Mais il fait preuve de beaucoup de défauts et aussi de beaucoup d'innovation et de techniques qu'on retrouvait déjà sur Batman Superman quand même. Mais bon, c'est autre chose. Est-ce que tu irais voir la suite? Oui, j'irai voir les suites parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prometteuses. Marc, tu l'as pas dit. Ça dépendra vraiment de ce que c'est. Ok. Mais c'est pas la suite qu'il faut voir. Moi, je veux voir ce qui se passe avant. Entre Apocalypse et ce film-là. Non, je suis pas d'accord, je pense que ça enlèverait un peu d'intérêt. Mais pour moi, on s'en fout en fait dans le film, ce qui est arrivé aux mutants après. Vas-y, oui, et puis la Fox sont complètement perdus dans leur timeline aussi. C'est un film à voir absolument parce que voilà, déjà si vous êtes fan de films de super-héros, c'est à voir parce que c'est un vrai vent frais dans l'industrie, ça apporte une vraie nouveauté et même vraiment quelque chose de jamais vu en fait. C'est pas pour moi retour aux sources, pas forcément, c'est surtout quelque chose qu'on a jamais vu dans l'industrie du film de super-héros. Donc ça, faut le voir pour ça déjà. Et même si vous êtes pas fan de super-héros, c'est aussi pour ça que ça peut vous plaire. C'est vraiment un film qui est très recentré sur son personnage, d'où le titre de Logan qui est très très intelligent et très enfin une très bonne idée et aussi un coup marketing assez couillu. Oui, c'est à voir absolument. C'est beau, c'est fort, c'est poignant, c'est assez violent, ça, c'est jusqu'au boutiste. Ok. C'est très bon. Et ben merci. Déjà merci à nos invités, mais merci à Léopold, merci à Thibaut, merci à Marc. Merci à toi. Merci à Mathieu d'être passé. Merci beaucoup à Tom à la technique. Et merci à Radio. Merci à Radio Campus Montpellier. Donc pour les gens qui nous écouteront en direct, et bah, je vous donne rendez-vous dans un jour ou deux. Je mettrai en lien le podcast et vous aurez la suite pour un. Si vous voulez du spoiler, hein, parce que si ça se trouve, vous voulez pas de spoiler. Donc rendez-vous pour un truc un peu spoiler. Nous on va se quitter sur un morceau qui était dans le film, donc du Johnny Cash. Et j'ai oublié le nom, je ne sais plus du tout. The Man Comes, merci Tom. Et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et pour les gens en podcast, à tout de suite pour la partie spoiler. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying, some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying, some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. first of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Bienvenue dans la partie spoiler. Tout le monde meurt. Non, pas tous, il y en a qui survivent, les enfants. Alors, le père de Dark Vador, c'est... Non. Luc. Ah non, merde. Il n'a pas de père, Dark Vador, qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est le maître de Palpatine, normalement, il y a une histoire comme ça. Ouais, en fait, ils ont manipulé les midi-coréens. Voilà, donc du coup, lui, il se prenait comme ça pour équilibrer les forces. Mais c'est... Faut jamais lancer les fans de Star Wars sur quelque chose. Non, c'est dangereux. Mais il est taquin, je le vois, tu vois, il est taquin. Je confirme. On est parti sur la partie spoiler, donc on va pouvoir spoiler comme des barres. Ah, j'ai des choses à dire. On parle toujours de Logan. Ou de Wolverine, ça dépend des... Ou de Wolverine, mais là, pour le coup, c'est... On l'appelle pas trop... Ah si, un peu... Si. Le mec de Narco qui l'appelle Wolverine. Oui, et la fille aussi. Mais si tu regardes dans le film, aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend son nom de baptême, son vrai nom, James. Qui est James. Ouais, et James, ça prouve justement que le personnage a une acceptation de sa vraie nature initiale. Alors, il est censé avoir oublié son... Moi, ma question, c'est comment là, il s'en souvient. La mémoire. Il le dit pas. C'est tout ce qui se passe entre Days of Future Past et ça, en fait. Ouais, mais enfin... Tous les films entre ça. Je savais, mais je vois pas comment il peut s'en souvenir. Alors, ce que je disais... C'est revenu, tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs qui se passent entre Days of Future Past et Logan, et on te le raconte pas, en fait, tu parles juste du principe. À la fin de Days of Future Past, il se fait prendre par le général, mais il a pas la balle comme dans Origin, donc techniquement, il est pas... On lui a juste fait des expériences, et donc on le voit qu'il est un peu énervé à la suite de Apocalypse, et dans le film, on comprend qu'apparemment, il a fait des missions pour Stryker. Donc moi je pense qu'il a peut-être été assassin pour lui, un truc comme ça. D'accord, mais qu'il aurait pas perdu sa mémoire. Voilà, et par contre du coup il revit ce qu'il a, mais par contre il a aussi sa mémoire de la première timeline. Oui, ça, puisque rappelez-vous, on lui a dit qu'il aurait les deux, donc le mec bien perturbé quand même. Mais normalement dans Day of Future Past, le général justement qui le capture à la fin, c'est pas censé être Mystique, ou c'est moi qui suis... Non, c'est pas censé être Mystique. Non, parce que j'avais cru qu'il y avait un truc avec les yeux à un moment donné. Le truc avec Mystique, c'est pas dans un... À la fin de Day of Future Past, Wolverine est récupéré par celui qu'on pense être Stryker, et à un moment il passe sur son visage et on voit qu'en fait c'est Mystique. Bah oui, c'est ça. Et c'est dans Apocalypse, ils donnent pas d'informations là-dessus. Pourtant c'est ça, je suis pas fou. Va savoir quoi. À moins qu'elle les filait, que Mystique les filait à... C'est de la spéculation. Oui, on récupère tout. Donc on va refaire un... Je vous coupe dans vos discussions sur... Parce qu'on n'est pas... en train de parler de la saga X-Men. Mais par contre, si, attends, il y a un truc directement, vu qu'on est sur le scénario excuse-moi, mais là on a une discussion intéressante. Parce que, en fait, non, mais ça va rejoindre le scénario. Le truc que je te disais, c'est qu'en fait, on voit les conséquences de Day of Future Past dans ce film. À savoir qu'en ayant, je rappelle les faits, le futur de Day of Future Past qu'on voyait qui n'existe plus se passait en 2023, et celui-là se passe en 2029. Et ce qu'on voit, c'est que Day of Future Past, en fait, ça ralentit la technologie, c'est-à-dire que en empêchant le mec de Game of Thrones de faire les sentinelles, en fait, la technologie, enfin, le bond technologique est allé moins vite, parce que le futur de Day of Future Past était quand même très technologique, très impressionnant, on avait des robots, des choses comme ça. C'est ce qu'il disait, et que l'ADN de Mystique permettait de faire un bond... Oui, mais là, ils l'ont pas eu, ils ont un truc très contemporain. Et ce qui est très drôle, c'est que on retrouve dans le film ce qui a tué en fait les mutants, en quelque sorte, c'est le moyen qui avait été utilisé dans X-Men 3, c'est-à-dire ils avaient fait un produit qui agissait sur les cellules et qui en fait enlevait le gène mutant, mais qui était là mis en vaccin, mais là on te donne pas le choix, on te le file. Et je trouve ça super drôle de voir qu'en fait le réalisateur, il a un peu fait un pied de nez à Bryan Singer qui déteste le 3 en réintroduisant une idée qui avait été développée dans celui-là, et je trouve ça super intéressant. C'est un joyeux bordel quand même. Ça veut dire que l'ensemble de films qui ont été faits après le 3 et avant ou jusqu'au Day of Future Past ne servent en fait... En fait, tu retiens que... Bah, ça sert à rien, ça n'existe plus. C'est tu pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Tu retiens First Class et Day of Future Past et après la pourriture d'Apocalypse. Ouais, C'est en fait la gestion de la timeline est un peu compliquée. Plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, ça se passe après Days of Future Past. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a quand même des éléments qui sont gardés des vieux films. Oui. Et par exemple, c'est le professeur Xavier qui mentionne le combat de la Statue de la Liberté. Oui. Ou le fait que quand il a trouvé Wolverine, il était dans une cage. Oui. C'était des éléments qui étaient dans le premier X-Men, qui normalement étaient effacés, mais qui vraisemblablement sont un peu considérés comme C'est pas sûr que cela soit forcément effacé. Ils sont effacés. Laisse-moi finir. Les événements de ce film sont effacés. Par contre, certains éléments qu'on pourrait considérer comme des éléments pivots, immuables si tu veux, sont restés. Ils ont une utilité scénaristique par rapport au spectateur qui est. Ces films sont techniquement effacés, mais considérez-les quand même émotionnellement comme ayant vraiment vécu parce qu'ils sont importants pour vous, pour le côté émotionnel de Logan en fait. Alors il y a une explication sur ça, c'est que Logan et Charles sont les seuls encore vivants à être au courant des deux timelines. Parce que justement, en faisant le voyage dans le temps, il avait expliqué à Charles et Charles était rentré dans sa tête pour aller se parler à lui-même de l'autre timeline. C'est ça. Donc techniquement, en fait, il est au courant de tout, puisqu'à la fin de Future Past, il lui fait ah, ça y est, tu t'es réveillé de ce voyage. Oui, non, le truc c'est que dans Logan, il lui dit pas ce qu'il lui dit, c'est quand je t'ai trouvé, tu étais dans une cage. Donc c'est pas mon autre moi t'a trouvé dans une cage, c'est moi-même je l'ai fait. C'est pour ça que je dis que c'est un élément immuable qui s'est reproduit en fait. Mais de toute façon, je pense qu'après, au niveau de la chronologie, pour que ce soit raccord aux différents événements, parce que bon, lui, Jean est revenu, elle est pas morte, du coup, enfin, il y a tout ce truc là, machin. Enfin, maintenant mais... elle l'est. Oui, non, mais bon, mais je veux dire. Ça sort pas, hein. Non, c'est ça. Jamais. C'est ça. Mais en revanche, il y a quand même des éléments qui n'ont pas pu être changés. Je parle pas par rapport au film en lui-même, par rapport, comme tu disais, à la chronologie, parce qu'ils font partie des évolutions des personnages. C'est-à-dire que la Statue de Liberté, moi je pense qu'elle y est, qu'elle est importante, parce que c'est aussi ce qui fait Malicia après, c'est ce qui va enchaîner. Si tu enlèves la Statue de Liberté, sur le principe, Malicia, du coup, c'est pas. Enfin. De toute façon, on la voit plus après Malicia. Donc, oui. De toute façon, tout ce qui s'est passé avant, pour le film Logan, ça sert pas vraiment. Oui, voilà. À parler de la timeline, on s'en branle un peu. Ouais, au final. On s'en fout pour ce film, exactement. Ça peut perturber les gens. C'est ça, c'est ça. Ça peut perturber. On va faire un petit tour de table sur le scénario. Et là, vous pouvez y aller et vous faire plaisir. Enfin. Et on va commencer par Marc, qui avait vraiment. Je pense qu'il avait envie de. T'avais envie d'en parler, t'avais envie de spoiler. Vas-y, ça commençait tellement bien le film. Oh là là. Avec pour moi ça se résumait un peu dans ma tête au début avec des petits éléments de course-poursuite dans le désert un peu façon Mad Max 4 Fury Road et après c'était Mad Max 3 avec les enfants perdus. C'est vrai, j'y ai pensé. Tu y as pensé aussi. Ça m'a gâché complètement le film la dernière demi-heure, dernière 20 minutes, à l'exception de la toute fin. Bon, là on peut en parler. Ouais, vas-y. Cette croix compose un X. Ah, c'était beau. Bah, c'est beau, c'est joli. J'ai failli lâcher ma petite larme. Oh là là. Moi j'ai pas de. Mais tout ce qui concernait et le vilain et X-24, aucune tension, aucun intérêt. Ça m'a fait chier. Je sais pas si vous êtes du même avis, qu'à partir du moment où ils arrivent à la ferme, il y a un gap qui descend. Les gens qui les accueillent chez eux. Ouais, avec Eric Lassalle de Urgence. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est le point de rupture du film, clairement. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, j'en parlais avec toi tout à l'heure. Oui, en fait, la construction scénaristique du truc, elle est reprise directement sur X-Men Origins Wolverine. Vraiment, parce qu'en fait, ils sont accueillis par une famille. Bon, la famille se fait tuer. Oui. Et après, t'as les mutants qui dégagent et ils doivent fuir les mutants. Et c'est là généralement où Logan reprend du poil de bête. Et c'est pour ça que moi, je suis assez d'accord avec Thomas sur le fait que non seulement ça nous renvoie à X-Men Origins sur le montage, mais où, comme je disais à Thomas justement en off, ça se voit mieux dans Logan parce que c'est mieux construit. Ouais, et contrairement à ce que pense James, enfin après c'est tant qu'à mon avis on verra les autres, mais je pense qu'au contraire ça c'est important parce que c'est ce qui fait le déclic à Logan pour lui permettre, comme je disais, de passer au-dessus de tout ça, parce que jusqu'avant la ferme il est toujours mou, hein, il est toujours il se bat bien et tout ce que vous voulez, les scènes d'action sont mou ça, mais il n'empêche pas qu'il n'arrive pas à reprendre celui qu'il était. Il est réfractaire en fait. Oui, justement ce que j'aime bien c'est justement quand il y a X-24, enfin vous l'avez pas aimé et moi c'est à ce moment-là qu'il se rend compte, tu vois, parce que aussi il se retrouve face à lui-même en plus jeune, alors que lui là actuellement il est vieux, il est décrépit. Il se retrouve avec une version de lui-même qui est plus jeune et avec beaucoup une version plus sauvage. De lui-même plus sauvage, plus jeune, et surtout ce qui n'est pas indéniable. Moi je trouve ça très intelligent. Mais je sais pas, tu lèves la main donc. Non, alors en fait, moi, la scène de la ferme, il y a la scène du repas où on voit justement Logan qui a des connexions avec sa fille, son Charles. On voit cette relation père-fils qui se sourit. C'est intéressant, mais en fait, il n'y avait pas besoin de rajouter ces gars-là de la ferme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ils se seraient posés un resto. Voilà, genre tous les trois, même sur le road trip, ça montait tout, c'était suffisant. Là, je trouve que ça met un frein dans l'histoire et que ça sert à rien. Et que finalement, après, la mort de Charles, qui est un moment qui est censé être super émouvant. Moi, je trouve que c'était gâché parce que en plus, je ne trouvais pas super filmé parce que direct, tu te doutes que c'est pas lui. Le gars, il parle, tu vois pas sa tête, tu dis bon, bah c'est bon, c'est un slasher, c'est comme dans les slashers, c'est pas lui quoi. Ouais, mais le petit effet de surprise, moi, j'ai trouvé efficace quand même. Oui, j'ai pas été surprise. Après, par contre, je trouve pas que ça lui met du poil de la bête parce qu'après tout ça, il est encore plus déprimé et il veut limite se laisser crever et tout. On a cette scène avec la petite après qui lui dit ah, vas-y, emmène-moi et tout. Qu'il fait ah, mais non, mais tu vois pas, je vais crever. Nanana. Mais justement, il est encore plus mal. C'est là que ça fait le déclic parce que si tu veux, il arrive dans cette famille où lui déjà veut pas du tout y aller. C'est le professeur un peu maboule qui le force à y aller puisqu'il s'invite lui-même. Hein, il accepte l'invitation. Ouais. Bon, voilà, donc c'est super pratique ça aussi. Et partant de là, cette famille va mourir. Et mine de rien, le téléspectateur s'y attache un poil parce que si, il y a quand même ce petit effet. C'est quand même le docteur d'urgence qui meurt. Mais attends, en plus, ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils prennent une famille noire. Toujours dans les films, c'est la base. Je trouve ça hyper cliché et raciste. Non, mais je suis désolé, c'est un truc qui me. Non, mais je pense que tu vois ce qui est cliché, c'est ce film de Marvel. On ne parle pas tous en même temps. Mais bon, mais du coup, pour terminer vite fait. Mais après, en revanche, il enterre quand même Charles Xavier, donc ça lui fait un contre-coup. Il a vu une belle petite famille et tout bien que ça, et à cause de lui, indépendamment de sa volonté, elle se retrouve à mourir dans le deuxième contre-coup. Il se retrouve avec cette petite fille toute seule, alors que même si dans un comics il a été directeur de l'école, ce qui est franchement assez surprenant, mais là il se retrouve avec une fille qui, parce qu'elle a son ADN, est biologiquement la sienne, mais dont il a jamais été lui-même adapté social pour avoir des enfants. Logan, avoir des enfants, c'est un peu comme Superman qui mangerait de la kryptonite au petit déjeuner. C'est un menteur, on l'a dit. Enfin, c'est souvent revenu. Hein. Émouvant, sa mort, justement, à partir du moment où il dit. Enfin, c'est à ce moment que j'ai failli lâcher ma petite larme, c'est à ce moment qu'il dit c'est donc ça, en parlant, donc c'est donc ça d'avoir une famille. Oui, c'est ce moment vraiment ça bien. Enfin, toi, tu as sa mentor, oui, mais pas un père. Vas-y, pardon, termine. Ouais, non, mais je suis d'accord, je l'aurais pas. Et justement, mais en plus, tu sais, X-Men 3 lui tient la main, et cette fois-ci, Wolverine lui garde. Et je trouvais que dans la symbolique, c'était vraiment assez beau, quoi. Parce que dans une scène d'avant, X-Men 3 lui prend la main et le retire. Je trouvais que la symbolique était vraiment très très jolie, en tout cas. Alors, Marc, moi je sais pas s'il y a de la symbolique cachée ou si c'est des trucs que j'ai lu un peu sur internet, mais si on revient au combat de l'immortel. La Jappe qui voit sa mort lui prédit qu'il mourra sur son dos avec son cœur entre ses mains. Oui, peut-être. Là, c'est de la symbolique sympa là. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Enfin, c'est déjà mieux que si genre ce. Je l'ai lu, hein, c'est pas de moi. Parce c'est que déjà mieux que le caca nerveux sur Jean Grey alors qu'il a rien eu avec. Hein. Là au moins, il avait une vraie relation avec sa fille. Ouais. Voilà. Oui. Johnny, tu veux dire quelque chose ou Romain les deux, ouais, alors j'ai eu un souci vers la fin principalement. Qui est. Ça tient en partie à la construction de l'univers, en gros. C'est-à-dire que, étant donné où le stade où sont Logan et le professeur Xavier, c'est-à-dire que le professeur Xavier il a ses crises mentales là où il tue des gens. Ça, j'ai trouvé ça cool par contre. Et justement, le truc c'est que j'ai trouvé ça sympathique jusqu'au moment où tu découvres que c'est lui qui a tué les X-Men et la moitié de l'école. Ouais. Et que ça, plus le truc du gouvernement qui met des produits dans l'eau pour faire en sorte que les mutants n'existent plus. Et le truc c'est que du coup, tu te poses la question de tous les films qui vont arriver. Après, qui vont sortir dans le futur, dans notre futur à nous, et qui sont censés se passer entre Days of Future Past et entre Apocalypse et Logan. Tous ces films se basent principalement sur le concept de on est les X-Men, on a un rêve à la Martin Luther King, c'est l'unité entre les humains et les mutants, tout ça. Et tu vas regarder ça en sachant que ça finit par tout le monde qui meurt stupidement parce qu'il y a un gars avec Alzheimer qui a une crise. Et le deuxième truc, c'est sachant que du coup on va avoir d'autres films. Et que techniquement tous ces acteurs, bon Wolverine c'est pas encore le cas, il a pas encore son nouvel acteur, mais Patrick Stewart est déjà remplacé. Et je sais pas, les voir mourir comme ça, ça m'a pas nécessairement fait beaucoup, parce que je sais que l'année prochaine ils vont juste revenir avec une nouvelle tête, et je sais pas, l'impact émotionnel était pas nécessairement aussi fort. Ça l'était pour le revoir à l'acteur qui le jouait, mais ça n'était pas nécessairement, voilà, ça n'était pas nécessairement au personnage. Mais c'est après, c'est... En même temps, t'es habitué aux comics où tu sais que les morts, ça revient. Là, elle est bien réussie quand même à la fin. Enfin, moi, je trouve que sa mort et il part de la meilleure des façons, quoi. Wolverine. Mais je sais pas si on va faire comme dans les comics ou faire revenir. Bah non, justement, où, Logan, ça fait deux ans qu'il est, enfin, en comics, ça fait deux ans qu'il est crevé et qu'il a été remplacé par d'autres personnages. Je pense pas que tu puisses faire ça parce que pour les ceux qui vont voir les films Logan, c'est pas forcément des habitués des comics où les personnages meurent, reviennent, etc. Là, je pense que s'ils le font partir, c'est pour un bon moment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont faire comme Jean Grey, par exemple, ce sera une mort, il est mort, non, mais il reviendra pas. Il le recaste, Wolverine, parce que les films qui arrivent là se passeront pas après Logan. Ça va être pas logique parce que dans Apocalypse, il y avait encore Hugh Jackman. S'il y a les mêmes acteurs partout et qu'il y a un nouveau Wolverine, ça va être ridicule. Déjà que c'est ridicule maintenant. Moi, tu vois, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, mais je me dis, est-ce que ça serait pas plus intéressant finalement de garder la petite la X23 et de faire des films avec elle et faire une nouvelle équipe de X-Men Après, c'était pas l'objectif du réalisateur de Logan en le faisant. Et par contre, Wolverine, ils vont le recaster et ce sera pour des films qui se passent chronologiquement avant Logan, pas après. Donc Logan, en tant que personnage, ne reviendra pas si on parle d'un point de vue chronologique. Il est vraiment mort pour de bon. Bah, qui crève, c'est pas grave, c'est triste, mais je veux dire, je m'en fous. Je veux dire, j'en ai marre des reboots. Alors, laissez tomber, vous avez fait de la merde avec le reste avant. Bah oui. Mais faites-nous une nouvelle équipe de X-Men, repartez sur des bonnes bases et ça sera super bien. Oui, parce que dans Supernova, ça va être encore avec la petite. Oui, c'est la suite d'Apocalypse. Ça sert à rien. Moi, ce qui me dérange, c'est pas forcément les reboots personnellement, c'est plus les films avec la fin finale. Suivi de du film suivant, parce que X-Men porte quand même le titre de Affrontement Final. C'est assez évocateur, je pense. Puis ensuite on a eu les nouveaux X-Men, après on avait X-Men Apocalypse. Là encore une fois, même si c'est le nom d'un mutant, non, ça. Les gens, on est censé en parler du fin. On passe tout notre temps à parler du futur ou de l'avant. Justement, tu vois le gros problème du film qui parasite Logan, c'est cette putain de timeline. Et on peut dire quoi? On dit merci, Bryan Singer. Merci beaucoup. Rachis-toi, reviens plus. Il y a un truc qui m'a beaucoup posé problème et où on n'a pas parlé, c'est que je trouve qu'on est. Moi, j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir vu un film X-Men et je trouve qu'il y a pas assez de lien avec. Moi j'aurais aimé voir un méchant emblématique de la saga plutôt qu'un méchant on s'en bat les couilles. Un méchant emblématique de chez des mutants, il y en a des millions. Mais comme on l'a dit, le méchant c'est pas le plus important, je pense. Dans ouais, mais c'est pas plus important, mais ça, qu'est-ce que ça coûte de donner un peu aux fans des trucs qu'ils kiffent. C'est vrai, c'est bien de sortir un peu de cette continuité X-Men, je pense. Pour Logan, c'est un peu une sorte de nouveau Deadpool, enfin, c'est bien de sortir de tout ça. Il y a juste. On retrouve juste. Oui, mais tu peux retrouver l'univers mutant, même si c'est pas pour ça que ça se discute. Ouais, mais quel méchant t'aurais mis toi? Du coup, je te pose la question. Je sais pas. Moi, Sinistre, par exemple, ils disent qu'ils vont Sinistre va arriver, qu'ils le mettent là, et ça aurait été cool. Mais on n'aurait pas le même genre de film après si on reprend vraiment les protagonistes comme ça. Là, c'est plus sur une menace fantôme, comme disait Mathieu. Mais c'est ça. Ouais, on est vraiment avec une menace gouvernementale. C'est une critique de la société un petit peu quand même. Mais en fait, la menace qu'on a, c'est juste un prétexte finalement pour introduire la petite et faire qu'il y ait cette dernière quête de Wolverine. C'est ça. Et du coup, s'ils avaient pris un vrai méchant de l'univers, on aurait été déçus parce qu'il n'aurait pas été assez développé et on aurait dit ils font chier, encore un méchant raté, nanana. Donc peut-être que là, c'est peut-être intelligent finalement d'avoir fait des méchants pas si méchants. J'ai un exemple un peu, c'est comme dans Civil War. C'était pas Civil War, c'était dans le deuxième Captain America où le méchant. Qu'ils avaient pris, c'était Soldat de l'hiver, c'était le titre. Le Soldat de l'hiver, voilà. Ouais. Ils avaient pris Batroc, donc qui est un méchant de l'univers de Marvel. Au tout début, Bartok, qu'on voit au tout début. Le mec est là 5 minutes, 30 secondes. C'est un personnage, ça fait plaisir aux fans parce que c'est un personnage de l'univers de Captain America. Et ils auraient pu faire un truc comme ça, un méchant un peu random, mais au moins c'est un petit easter egg je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, que c'est un peu une sorte de. Cette menace, tu vois, c'est plus une critique de la société, comme tu disais, ça revient un peu aux bases de genre Martin Luther King, tout ça, tu vois. Moi, je trouvais qu'il n'a pas d'objectif. Avec les minorités, on ne comprend pas son objectif, on ne comprend pas ce qu'il veut. Si, on reparle en encore des minorités dans ce Logan et je trouve on en parle plutôt bien. Enfin, avec les minorités ici sont représentées par les mutants qui se font encore pourchasser par tous ceux qui veulent la fin de tout ça. Tu as une logique dangereuse, toi. C'est-à-dire que tu as la logique du fanboy. Tu veux des références à tes trucs qui n'ont pas nécessairement d'utilité dans l'histoire. Oui, bah oui, tu veux pourquoi pas. Le problème, c'est que je vais te prendre un exemple en bande dessinée. Le truc, c'est que Logan, il n'est pas conçu comme l'histoire bourrine écrite pour le fan qui veut absolument juste voir des gros gars se taper dessus. Il est écrit comme Il est écrit comme une vraie bonne histoire. Et si tu dois prendre un bon bouquin qui prend pas nécessairement le temps de te mettre des trucs de gros bourrin en permanence, tu prends Dark Knight Returns. Tous les personnages qui sont à l'intérieur ont une utilité. Et le gros intérêt de l'histoire, c'est le développement du personnage, qui en plus d'ailleurs, coïncidence, c'est un vieux gars qui est sur la fin de sa vie. Et le gros intérêt du truc, c'est observer et évoluer le personnage en tant que personne, pas juste logique Power Ranger, c'est-à-dire il a des grosses griffes ou il a un costume rouge et je l'aime pour des raisons superficielles. Oui, non, mais je dis pas ça, mais je trouvais que le méchant qu'on a vu, tu comprends pas ses enjeux. Je te rejoins un petit peu là-dessus, ouais, tout à fait. Ouais, parce que X-24, quand ils l'ont mis, moi aussi j'étais un petit peu surpris, un petit peu déçu. J'aurais préféré par exemple un Dansa, tu vois, là on aurait retrouvé un grand méchant de Wolverine qui aurait pu servir un peu le même rôle. Ça aurait été toujours son frère, tu crois? C'est une belle image pour montrer qu'en fait le plus grand ennemi de Wolverine c'est lui-même, qu'au final il se bat toujours contre ses démons, et c'est ça qui est un petit peu qui est intéressant, qui est sympathique, c'est quoi, mais je suis d'accord avec toi, mais après le truc qui me gêne dans le méchant, c'est qu'il arrive, il a une idée, genre je veux débarrasser tous les mutants, et visiblement il veut créer des super soldats, et en fait moi, parce que je suis très curieuse, j'ai envie de savoir pourquoi, quel est son but, est-ce qu'il dominer le monde, of course, qu'est-ce qu'il veut faire, et je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est une question de pouvoir, avoir le pouvoir, parce que quand tu contrôles des êtres surpuissants comme X-23, t'as du pouvoir, et je pense que c'est ça en fait. C'est vrai qu'il était un petit. C'est pas très très clair, tout à fait. Il veut ne pas être arrêté dans ce qu'il va faire, mais justement, j'ai envie de savoir ce qu'il veut faire, quoi. C'est un parti pris, je dirais. Parce que c'est pas juste cette partie-là. Bah, après, je te rejoins, effectivement, il y a plein de trucs que j'aurais aimé savoir aussi. Et le truc, c'est que dans le cas de Logan, ça me va. Parce que c'est pas important, en fait, si tu veux. C'est comme je disais tout à l'heure, le but, c'est lui, c'est sa vie à lui. Comme je disais, le monde a juste évolué sans eux. Maintenant, c'est des ruines d'une époque passée. Et il y a beaucoup d'éléments, que ce soit. Donc, du coup, pourquoi on veut en faire. Tu pourrais prendre l'explication la plus basique, le gouvernement veut des armes pour pouvoir, avoir des armes tout simplement, et donc ils ont décidé de se faire leurs propres mutants qu'ils gardent sous contrôle en nombre limité. Et l'explication n'est pas donnée parce qu'elle n'est pas techniquement importante en fait. Et l'autre truc du même style, c'est tous les gamins là veulent partir au Canada, mais au Canada, il y a une scène où on voit Richter discuter avec une femme au Tokiwoki là, mais on sait pas qui c'est, on sait pas qui ils sont, on sait pas pourquoi ils les accueillent. Et j'aurais bien aimé une explication comme toi, mais effectivement, c'est pas nécessaire parce qu'en soi, c'est tellement concentré sur Logan que tu vas devoir partir du principe qu'il faut qu'ils arrivent au Canada et ils vont pas se retrouver dans le problème. C'est sûr que ça fait pas le film. Ils vont continuer à les chasser, c'est sûr. Ah oui, par contre. Mais j'aurais voulu juste, ça m'aurait fait un petit plus, quoi. C'est juste ça. Juste pour revenir sur trois petits points, tout à l'heure, tu parlais par exemple d'avoir un dans le sable. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que l'acteur qui jouait dans le sable dans Wolverine Origins avait été, je crois, ou contacté ou était en pour parler, mais finalement, ça s'est pas fait. Je pense qu'à mon avis, ça devait être peut-être dans le premier base du script, peut-être lui qui aurait dû affronter Logan et être une sorte de dans le sable hyper génétiquement modifié. Ensuite, quand tu parlais de méchants un peu iconiques qui auraient pu revenir, James juste pour un cliffhanger ou juste pour une scène, ça aurait pu être intéressant, mais. Moi je pense qu'ils l'ont pas fait parce que Logan fonctionne différemment du dernier Star Wars. C'est à dire que dans le dernier Star Wars, où là encore une fois tout le monde meurt pareil aussi, on nous a foutu d'armes. On est parti spoiler, on peut pas aller. Oui, donc voilà. On est dans la section. Mais voilà, mais je veux dire, on nous avait mis deux belles scènes avec Darth Vader qui étaient super bien maîtrisées, mais on s'en fiche puisque on sait qu'il est à ce moment-là. On le sait, plus c'est logique, puisque les autres films, on les connaît. Là, dans Logan, c'est pas forcément prévu qu'il y ait une suite pour la partie future. On sait pas ce qui va se passer. Ils savent pas trop où ils en sont, la Fox et tout ça, dans leur film. C'est un peu le bordel, on l'a dit. Donc, nous mettre un méchant iconique, pour peu qu'ils le réussissent à le placer correctement, t'aurais vu d'ici les fans qui auraient voulu le revoir après. Eux auraient pas su le caser, leur remise ça aurait été n'importe quoi, ça leur aurait obligé à faire tout un bordel. Alors que là, ils t'ont mis des méchants qui, certes, font quand même plus ou moins leur job dans l'ensemble, même si c'est pas forcément évident, et qui sont pécuniques, donc qui meurent pas, qui vivent, qui continuent à exister. Mais au moins, ils prennent un personnage de l'univers avec mutants, il a déjà un background, il y a déjà quelque chose, tu peux comprendre des enjeux parce que le mec a. Enfin, je sais pas. On te dit en fait dans le film les enjeux c'est juste Logan et Xavier qui veulent faire quelque chose de bien avant de mourir. Parce que tous les deux voilà, tous les deux ils sont malheureux. Moi, j'ai pas compris le délire du bateau aussi. Mais parce que parce que c'est le seul endroit où Charles Xavier peut pas utiliser. Il peut pas faire de mal. S'il explose, bah s'il sera en plein océan, donc comme la Terre est recouverte à trois quarts d'eau. Oui. Parce qu'il peut pas le tuer parce qu'il l'aime bien quoi. Donc il va l'amener pour être tranquille. Et son but c'était de une fois que le vieux il aurait tiré l'arme à gauche, lui pan et il se serait tué sur le bateau aussi. C'est un peu ça. Ils sont brisés. Il y avait le vieil homme et la mère comme c'était une référence d'ailleurs dans le petit sketch de Deadpool avant le film. Et le truc du bateau justement c'est ça. C'est en fait c'est un peu comme la fin du Seigneur des Anneaux avec les Hobbits et tout leur groupe là qui quittent la Terre du Milieu. Ben ça aurait été Wolverine et Charles qui font tirent leur révérence et qui juste partent. Et ils seraient probablement morts en pleine mer avec personne autour pour les emmerder. Et ça aurait été parfait, mais ça s'est pas passé comme ça. Par contre, après j'aimerais juste qu'on souligne le travail sur le scénario qui a été fait par, si je dis pas de bêtises, c'est Michael Green qui avait déjà travaillé sur plusieurs séries de héros comme j'ai plus les noms, mais je sais qu'il a fait aussi travailler sur Green Lantern, le film d'animation et le film. Bon, après, ils sont pas le film, peut-être pas forcément, est pas bien. Le film d'animation aussi, mais le film, pas bon. Mais je trouve qu'au niveau de l'adaptation du scénario par rapport à la. Bon, effectivement, comme tu l'avais dit, Thomas, ça n'a pas du tout le même copier-coller que le comics. Voilà, mais on sent quand même une certaine emprise au niveau du personnage. Franchement, il y a que le design un peu. Oui, c'est ça. L'ambiance, c'est ça. Après, le reste, ça n'a rien à voir. On va pas voir le man Logan, ouais, c'est il y a même le petit clin d'œil à la fin quand les enfants ils lui rasent. Ah oui, ouais, oui, il a la même barbe. Ouais, pour faire la même barbe que le man Logan. Mais c'est la barbe qu'il a dans les autres films. Hein. C'est vraiment le old man Logan. C'est la même qu'old man Logan. J'ai trouvé ça particulièrement beau d'ailleurs. L'idolâtrie qu'ils ont pour ce gars. Et lui il déteste ça. Il lui dit ce que tu vois dans les comics, il y a une fraction de vérité. Et après, le reste, c'est des trucs petits, genre la barbe. La barbe, j'ai trouvé ça super touchant. C'est ça, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait qu'il se retrouve. Parce que là, en fait, il se retrouve plus dans la condition de mentor où on a dit qu'il excellait en tant que mentor. Là, il se retrouve presque dans une condition de père où il n'est pas conçu pour ça, il n'est pas prévu. Mentor, il sait faire parce que c'est pas lui qui l'a en face de lui, c'est des jeunes avec des conditions de machin où il peut aiguiller, machin. Là, il se retrouve avec une personne qui a son caractère, son ADN, ses griffes aussi, du coup, même une au pied, ce qui du coup ça rajoute encore. Ouais. L'explication de la griffe au pied, c'est. Enfin, elle est marrante, elle est pas crédible. Je trouvais pas ça nécessaire, surtout en fait. Pour revenir sur les comics, enfin, juste une petite anecdote sur les comics qui sont présents dans le film, ça va te faire plaisir. Non, c'est pas ça. C'est Joey Quesada qui a dessiné le comics et je trouvais ça plutôt stylé. Enfin, je crois que c'est même Hugh Jackman qui a demandé à Joey Quesada de faire les pages du comics et je trouvais ça plutôt sympa. Tout à fait, c'est des comics complètement inédits qui sont jamais sortis. Ils ont fait appel à des dessinateurs parce que je crois qu'il y en a un autre, mais Mais d'ailleurs, justement, je trouve que c'était une bonne idée d'introduire ces comics là. Bah, totalement. Que la première fois que j'ai vu les images, je me suis dit, pourquoi ils ont mis des comics? Mais en fait, c'est super intéressant parce qu'on voit justement le mal-être de Logan qui veut plus repenser à ces jours là où il était X-Men parce que il sent qu'il a peut-être trahi les autres, il s'accepte pas, il accepte pas ce qu'il a fait encore une fois, et je trouve ça super intéressant. Et on a pas ça sur aucun film de super-héros. On va faire un petit tour de table avec un dernier avis vite fait sur le film et on va commencer par Thibaut en rapide. Du coup, franchement, honnêtement, je trouve que ce film est vraiment très, très bien parce que son scénario développe des aspects, comme on l'a dit, sur Logan qui sont pas du tout fait avant et qui sont très difficiles à mettre en place et qui sont dans l'ensemble bien réussis. Après, peut-être un peu trop de lenteur, je dirais, sur la répétition, à vouloir nous dire qu'il est fatigué, usé, machin. On a la scène qui nous le dit, on a quelques trucs qui nous le disent. Pas la peine de le faire 10 fois. Mais après, franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film qui est vraiment, avec le retour des acteurs et tout, plus les combats, les scènes d'action, c'est vraiment très formidable et sympathique à voir. Ok, Marc. Et c'était un adieu à Hugh Jackman assez émouvant quand même. Ouais. Et ça, rien que pour ça, c'était pas mal. Mais des défauts, des petits défauts par-ci par-là qui t'ont plombé le film. Ouais, bon, après plombé, ça va, c'est un grand mot, je me suis pas fait chier non plus. Enfin, si, je me suis fait chier sur la fin. Mais dans l'ensemble, ça va, j'étais pas déçu non plus. T'as préféré Lego Batman? Ouais. Moi, je préfère la fin personnellement. Johnny. Ouais, je pense même que je risque d'aller le revoir si j'ai le temps. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de films comme ça en fait. Mais pas nécessairement ultra réaliste sans costume ou fanservice, mais que ce soit bien utilisé. Et disons que si c'était un, comics, ce serait le type de comics, hein, la Dark Knight Returns, le genre de truc qui va rester comme un chef-d'œuvre dont on va dire oui, si tu veux lire une bonne histoire du personnage, tu lis ça. Et pour moi c'est pareil. Romain. Pareil que Johnny, hein, c'est vraiment un excellent film qu'on retiendra. Alors, Wolverine, ça a été quand même un sacré truc au cinéma. Hein, ça fait 17 ans qu'on en bouffe avec Hugh Jackman. Et on va dire qu'il finit en beauté, quoi. C'était de la Wolverine 1, pas terrible, le 2, pas terrible, et le 3, superbe. On comprend pourquoi ça a été le film d'ouverture du Festival du film de Berlin, justement. Avec ses plans magnifiques, tous les acteurs impeccables. Une vraie originalité dans le traitement du super-héros. Il y a juste un petit regret, c'est qu'on n'ait jamais vu Wolverine avec son costume de comics. Mais c'est ce que je veux expliquer. J'ai lu un truc sur internet. MDCU. En fait, apparemment, le fait qu'on voit le personnage, parce que dans les comics qu'on voit dans le film, oui. Il a le comics, il a le costume. Il a le costume, ouais, ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire, il a porté ce costume-là. Je crois que dans la scène post-générique du combat de l'immortel, on le sort tout jaune. Non, mais c'est même, il y a la figurine à la fin, il y a une gamin qui la tient, mais bon. Oui, elle était coupée, elle était dans le DVD. Ouais, c'est vrai, là, il nous montre plus le costume, il avait la classe. D'ailleurs, on n'a pas la scène ni le truc avant avec Deadpool. Qui était un peu nul, mais. Et personne n'a trouvé qu'il était trop long ? Non, pas du tout. Ah, ça passe bien quand même. Un peu, hein. Moi je trouvais la fin un peu longue et le truc avec Eric Lassalle qui servent à rien qu'ils auraient dû couper. Non, mais je sais. En fait, les dans les films de super-héros, les scènes avec une ferme, il faut qu'ils les enlèvent. C'est comme dans Avengers, parfois c'est de la merde là. Mais là, dans Avengers, c'est rien à voir. Avengers, c'est Hawkeye, c'est pas pareil. Ouais, c'est... mais on s'en branle de Hawkeye, pardon. C'est vrai. C'est bien de connaître l'envers des décors, de la vie des super-héros, c'est intéressant. Ouais, il y a pas des personnages, il y a des posters avec des. Mais non, pas du tout. Mais t'as pas du tout compris ce que je voulais dire. Batman vs Superman. Très bien, Batman. Non, c'est pas alors, Superman on va bien. Direct à Faye. Ouais. Allez, vas-y. Faut pas le vexer. Je suis. Non, en tout cas, pour moi, c'était le. Ouais, franchement, c'était un très très très bon Wolverine. Sûrement l'un des meilleurs, je pense. Enfin, oui, le meilleur Wolverine et un des meilleurs X-Men. Je m'en rappellerai, j'ai très envie de le re-regarder. Je trouvais que tout était bien. Il y avait quelques petits défauts dans le scénario, je pense, mais après la réalisation était vraiment très bien. L'image était très très belle et puis la violence aussi, je l'ai beaucoup beaucoup apprécié dans ce film. C'est surtout ça que je pense j'ai retenu et la scène de fin avec un jeune qui aime la violence. Je trouvais que X-23 c'était une bonne nouvelle Hit Girl, tu vois, genre. Ok, Faye. Alors ouais, je conseille le film, j'ai beaucoup aimé parce que pour moi c'est pas, je dirais pas que c'est un film de super-héros, c'est un road trip, c'est une quête d'identité fait par des personnages qui sont extraordinaires et c'est ça qui est cool, c'est ça que j'ai hâte de montrer, que être un super-héros c'est autre chose que juste avoir toujours la même chose, j'arrive, une menace, je fais tout péter, enfin là on a une réflexion, on a des scènes touchantes, j'ai aimé la complicité entre les personnages. Alors après en plus ce qui est intéressant c'est que les petites choses qui m'ont gêné sur le coup, en parlant, en y réfléchissant et tout, on arrive à y trouver en fait une explication et voir un rôle qu'on n'avait pas vu lors du premier visionnage. Et c'est ça qu'on voit que justement le film est travaillé et intelligent et intéressant. Et ça c'est cool. Et voilà. Par contre, le seul bémol qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas pu expliquer, c'est la musique. Finalement, je trouve qu'elle est pas assez marquante. Je me rappelle d'aucun morceau. La musique du générique aussi, moi, elle m'a pas. Aucun morceau. Il y avait une musique. Ouais, je sais même pas si j'en ai entendu, c'est ça. Bon, on va conclure sur ça. Moi, vous voulez mon avis, allez voir la vidéo que j'ai fait avec Faye sur l'Amical du Geek. Je pense que j'ai donné toutes mes trites dedans, c'est exactement mon avis. Mais tu l'as fait sans spoil. Oui, elle est sans spoil, ouais. Là, tu peux la faire avec spoil. Là, avec spoil, j'ai bien aimé. Je suis un peu du même avis que Marc, en un peu plus sympathique. Parce que c'est l'effet que le film il m'a laissé, en fait, dans la salle. J'ai bien aimé tout le début. Ouais, mais quand tu sors, tu vois, je suis sortie, j'étais assommée, quoi. Moi, je trouve que ça m'a une vraie menace. T'es triste, ça qui me gêne. T'es triste, avec la conclusion, c'est sûr. Ouais. Mais justement, si t'es triste, ça veut dire que le film est réussi, quoi. Ah ouais, c'est le but de l'objectif du film, quand même. Personnellement, quand le film s'est arrêté, j'étais sur BVS. En tout cas, moi, quand j'étais sorti, quand le film s'était fini, je suis resté au moins 10 minutes, enfin tout le long du déroulé. Pour voir la scène post-générique. Non, pas du tout. On a jamais vu parce que. Juste parce